CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine assemble un truc. On vous offre nos chroniques maison, donc Kiki, Sexy Time et Sexy, ça devrait répondre là. Et on vous gâte en terminant l'émission avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. En fait, je sais pas vraiment ce que ça va vous apporter. C'est plus à nous autres qu'on pense dans ce temps-là. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Rocky pour la semaine du 11 août 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis! Salut! On est de retour dans notre case horaire de l'après-midi jeudi. Oui, qui est supposément la normale, mais ça fait tellement longtemps que je suis comme plus sûre. Ben, c'est la normale de la... Attends un peu. C'est la normale de l'apostrophe anormale. C'est la normale de la normale. Tu comprends ça? Ah, wow! Hein? Parce que normalement, l'été, on est le jeudi après-midi, alors que le reste de l'année, on est le matin en semaine, lundi au jeudi. 6h30, 9h30, 10h30, 10h30. Mais pas de monde, là. Déjà non. Que moi, il a fallu que je te le demande via les internets, c'est à quelle heure dans l'émission? Et moi, d'y répondre, ben là, franchement, 14h palmarès, 15h assemblage. Ouais. Donc, tous les jeudis, il nous reste encore 3 émissions comptant celle-ci, sinon 2 semaines ne comptant pas celle-ci, mais là, ça dépend inclusivement que tu... Ah oui, on est tout le temps content quand on est ici. Tout le temps content. Et aujourd'hui, parlant d'être content, on va dépenser notre argent comptant. Hein? Oh, bonne idée. Ouais. On peut-tu dépenser l'argent crédit aussi? Oui, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire l'argent inexistant? Tout ce qui est info nuagique et autres trucs là, dans la toile du nuage de l'argent fictif. Super! Donc, on va faire Sexy Mais Ça Ne Devrait Pas On L'A pendant, encore une fois, la portion 16h à 17h. Donc, la deuxième heure pour tout le monde, là, la deuxième heure de l'émission au complet. Comme la semaine passée, on a aimé ça, le concept, je pense, une heure de Sexist en gros. On va aussi faire une heure de, cette fois-ci, King Sexy Time. Hey, ça fait longtemps. La semaine passée, on a fait du C'est un fait, comme on le fait tout le temps. Ouais, ouais. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de kinky. Là. Ouais, on est du, je pense. Hein? Mais hein, on est, on atteint notre quota de non-relations. Comment dire? Ou de relations non sexuelles. Oui, et non consentantes souvent. Ben c'est non consentant dans le sens qu'on veut pas entendre la chanson thème de C'est un fait, mettons. Mais là, kinky n'a pas de chanson. Est-ce qu'on invente une chanson thème pour kinky? Ça pourrait être pas pire. Pas live, là. Peut-être. Ah, je suis pas bonne là-dedans. Peut-être pas. Donc ça va être... Ça me prend un texte. Même s'il est mauvais, ça m'en prend un. Ben ça, c'est écrit par toi et moi, ça va souvent être mauvais. Ben, c'est clair. Donc ça va être dans la première heure. Donc tout à l'heure, on va aussi faire la bouffe et la malbouffe de la semaine. En dernière portion de l'émission, là, vers la fin, on a préparé ça pour vous. Oh oui, on a un buffet. Là. On s'est ouvert l'appétit en ne mangeant pas, dans mon cas, comme d'habitude. Ah, Colin Mathieu, mauvais garçon. Ah, j'ai pas le temps. Pas le temps de manger. Mais en plus, tu vas tellement manger des bonnes choses pour te nutritionner. J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais j'ai hâte. C'est pas toi le segment malbouffe? C'est moi le segment malbouffe? C'est ça, ça le dit. Parce que je peux pas donner d'indice. Okay. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Okay. Même si tu me torturais, je ne sais pas quoi te dire. Je peux-tu te torturer quand même? juste au cas. OK. On t'appelle pas la dictatrice en chef pour rien. Hein? Non. Les méthodes d'aveu sont particulières. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui, c'est un bon petit plan tout ça pour cette semaine du 11 août. On va débuter en musique avec une pièce de ta suggestion, de ton cru même. Mais de mon cru, non, c'est pas moi qui l'a fait là quand même. Mordicrus. Ah ok, mordicru. Ouais. Ton petit cul, hein? Quoi? Hein? Non. Mon gros cul. Hein? Pardon? donc Mordicrus qu'on s'en va entendre avec la position numéro 5 du palmarès francophone. Voici Oh Maman. Oh Maman, c'est fini. Oh non. Oh, je me suis trompée. C'est l'assemblage requis au 89.5. Show. Mordicus, c'est la pièce au maman, position numéro 5. Ça monte de la 18e place. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ben, le précédent palmarès, comme on appelle. Genre, c'est-tu clair, ça? Ouais, oui, oui. Les palmarès durent un nombre de semaines qui dépend de la semaine, si on veut. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées en ce moment. Et ce qu'on fait sur le bar d'habitude, c'est un fait au début de l'émission. Par contre, cette semaine, à la place, on fait sa petite sœur dévergondée. Oh. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais un petit peu plus pour un public plus ou moins averti, comme on dit. Donc, si vous êtes sur le poste, on peut pas faire grand-chose. Non. Vous êtes là, il est trop tard. Trop tard. Bouchez les oreilles des enfants. Avec vos doigts, bien sûr. Okay. Tu vois, j'avais dit que c'était un petit peu des fois déplacé. Là. Ok, qu'avec les doigts, des fois. Ouais, c'est, j'avoue. Ouais. Non. Mais c'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut le remplir, hein. Non, non, c'est comment ça. Mais oui. Donc, retournons au Moyen-Âge, Steph. Au Moyen-Âge. Ok, ça, c'est quand ça puait, là. Moyen-Âge, quand ça puait. Le Moyen-Âge. J'en savais pas. C'est pas une joke, c'est juste ça puait pour vrai au Moyen-Âge. Ok. Ah, non, j'étais pas là. Toi? Non? Non, non. Non. Je pensais que tu me traitais encore de vieux. Non, c'est pas vrai. Donc, on va par un petit bloc sur l'homosexualité. Pour commencer, c'est notre thématique du moment. Mais là, on retourne au Moyen-Âge. Les attitudes envers l'homosexualité et les mariages du même sexe ont changé à travers les années. Et il y a une fluctuation par rapport à l'acceptation de l'homosexualité. À l'époque, donc, au Moyen-Âge, il n'y avait rien d'étrange là-dedans. Et c'était pas du tout mal vu. Quoique, ça l'est plus mal vu, mais en tout cas, ça l'est encore à certains endroits, mal vu. Oui. Donc, en Grèce, à l'époque, les relations de même sexe entre les hommes étaient même souvent favorisées envers leur relation contrairement à leur relation avec les femmes. On disait à l'époque que les femmes étaient pour les affaires et les hommes pour le plaisir. C'était le slogan, si on veut. OK. Les femmes pour les affaires et les hommes pour le plaisir. L'art, à l'époque, et la poésie de l'époque montrent la connexion émotionnelle profonde dans les relations de même sexe. En Rome, les personnes qui étaient homosexuelles et les personnes qui étaient hétérosexuelles, en fait, ce n'étaient pas des catégories dans la sexualité. On précisait pas. On disait pas, genre, ce groupe-là, cette catégorie-là de gens, c'est homosexuel et l'autre côté hétérosexuel. Mais tant mieux. Tant mieux. Et à l'époque, la langue latine, le latin, n'a pas de mots pour décrire ces concepts-là. Donc, c'était socialement acceptable, considéré même naturel pour les hommes d'avoir des relations du même sexe. C'est seulement après l'Empire romain qui a commencé à se faire assimiler par le christianisme. C'est pas mal ça, je pensais. Je me dis, ça doit être à cause de la religion qu'on a régressé. Comme tout dans la vie. Comme tout. Il y avait des pénalités légales et tout envers l'homosexualité. Il y avait une catégorie légalement qui s'appelait l'embrotherment à l'époque qui permettait à deux hommes de vivre ensemble comme couple marié. Et donc, c'était la première version 1.0 du mariage du même sexe, si on veut. Donc, l'intolérance envers l'homosexualité et le mariage du même sexe a été développé récemment. C'est une mentalité sociétaire, si on veut, récente. Mm-hmm. Ensuite, toujours dans le domaine de l'homosexualité, il y a une étude qui nous apprend que, une étude qui vise 24 787 hommes qui s'identifiaient comme gays ou bisexuels. Donc, fait ce sondage dans 50 États américains avec des hommes entre 18 et 87 ans. On essayait de voir s'il y avait un lien entre le comportement sexuel, dans leur comportement sexuel, quand même, je m'exprime. Voir quels sont leurs comportements, sexuellement parlant, leurs comportements à ces personnes-là. Donc, le sondage a été mené en ligne pour, évidemment, que les hommes ne soient pas gênés ou mettre des informations fausses. Les résultats ne sont pas exactement ce qu'on pensait. La forme la plus commune de comportement sexuel chez les personnes homosexuelles, donc mâles, masculines, qu'est-ce que ce serait le numéro 1 selon toi? Le comportement sexuel le plus répandu chez les hommes homosexuels. Ah, je sais pas. C'est juste s'embrasser, bouche à bouche. Le comportement sexuel, s'embrasser, bouche à bouche. OK, mais dans le fond, c'est juste comme... Comme tous les coups. Universel. C'est exact. Ah, d'accord. Le deuxième comportement sexuel, ce serait quoi? Se tenir la main. Se tenir la main. Non, là, ça, c'est plus sexuel. Non, ça, c'est... Non, c'est le sexe oral, les relations orales. Donc, un grand pourcentage de 72,7% des hommes dans le sondage ont admis que les relations sexuelles orales étaient les plus communes en deuxième place. Donc, ensuite, là, on se dirait sûrement les relations anales, hein? Mais non, pas du tout. C'est la masturbation partenaire à partenaire. Ah! Numéro 3. Et ensuite, les relations sexuelles, se montrent en quatrième place, voilà. Donc, de façon anale. Non, chez les hommes gays et bisexuels. Les relations anales sont non seulement... la réponse est moins populaire, dans le fond, chez moins de gens, mais la différence d'âge compte aussi. Donc, l'étude nous apprend que la plupart des hommes, à partir de leur trentaine et plus, ont moins de chances d'avoir des relations anales. L'âge le plus commun pour ce comportement sexuel-là est entre 18 et 24 ans pour les relations anales. On sent plus wild. Plus wild. Born to be wild. Une autre étude maintenant chez 64 hommes hétérosexuels. Donc en 1996, les chercheurs Henry Adams, Lester Wright Jr. et Bethany Lohr de l'Université de la Géorgie ont fait une étude pour déterminer si les jeunes hommes, homophobes, avaient des sentiments, ou en tout cas au moins des sentiments dans l'entre-champ, envers les personnes homosexuelles et s'ils étaient au courant de ces... disons, peut-être pas fétiche-là, mais comment dire, ces envies-là. Mm-hmm. Voilà. Donc, ils ont rassemblé 64 hommes hétérosexuels avec en moyenne d'âge 20 ans. Ils leur ont ensuite demandé de remplir un questionnaire pour déterminer s'ils étaient homophobes ou non. Pour le faire, ils posaient des questions par rapport à leur niveau de confort si une personne homosexuelle est dans la même pièce qu'eux. Après le questionnaire, les hommes ont été placés dans des pièces privées individuellement. Les chercheurs ont ensuite... attacher un outil de mesure des érections à leur engin masculin. Mon Dieu, je me demande de quoi ça a l'air. Je sais pas, hein? On peut se l'imaginer. Une grosse règle accrochée avec un tie-wrap. Peut-être, un cocking à fil. Ça pourrait être plein de choses. Donc, on a attaché ça à leur engin masculin pour mesurer leur érection, bien sûr. On leur a ensuite montré trois types de pornographie. Donc, hétérosexuel, lesbienne et gay, pendant 4 minutes chaque. Avec aucune surprise du tout, les hommes se sont excités en regardant la pornographie hétérosexuelle et lesbienne. C'est comme un fétiche assez répandu chez les hommes de regarder la pornographie lesbienne. Ce qui les a vraiment surpris, c'était le résultat après avoir regardé de la pornographie mettant en vedette des hommes gays. Seulement les hommes homophobes ont montré une augmentation de leur... en regardant de l'action mâle sur mâle. Ah. Les gens qui étaient homophobes. Donc 80% des hommes homophobes, selon le sondage avec les questions de tout à l'heure. On s'entend, il était juste 64 aussi. C'est pas un énorme échantillon. Très bon point. Donc, ils se sont excités. C'est 80% des hommes homophobes, comparé à 34% des hommes non-homophobes. Dans le fond, c'est probablement ça qui les perturbe d'être en présence, justement, d'autres hommes gays. C'est qu'ils n'assument pas du tout ce qu'ils peuvent ressentir s'ils sont là. Bon, on s'entend, c'est des spéculations, mais... Tout à fait. Ça peut aussi être la gêne. Peut-être qu'il y en a qui sont gênés puis ça les chouing-fouing, ça les chouing. Ah oui? Ça se peut. Non, pas moi. Je parle pas de moi, mais je parle... Oh, en... t'es gêné, c'est mignon. Au lieu de devenir rouge d'en face, le sang s'en va tout ailleurs. Des choses qui arrivent. Tu rougis du milieu, il me semble. Un mécanicien russe, Sergei Tuganov, a misé ou a gagé 3000 livres sterling contre deux femmes, OK? Qui disait que c'est, dans le fond, que l'homme ne réussirait pas à les satisfaire les deux sexuellement pendant 12 heures de suite. C'était la gageure. Les filles disaient qu'ils ne seraient pas capables de les satisfaire les deux pendant 12 ans. Donc, Sergei a accepté cette gageure pour un marathon sexuel d'une demi-journée de long. Pour se préparer, l'homme de 28 ans a avalé une bouteille complète de Viagra. Ça semble une mauvaise idée. Ça m'a tout l'air. Donc, pour avoir assez de force pour continuer pendant 12 heures de suite, Sergei Tuganov a gagné sa gageure. Il a réussi à les satisfaire les deux pendant 12 heures de suite. Par contre, 12 heures d'excitation comme ça et le fait qu'il avait mangé une bouteille complète de Viagra a fait que Sergei a eu une attaque cardiaque quelques minutes après avoir gagné sa gageure. Les femmes ont essayé d'appeler la police, mais il était trop tard. Il est décédé. Ah, il est mort? Ben, ouais. Au moins, ils n'ont plus besoin de le payer. 3000 livres. Comme un beau montant, ça. Mais je trouve ça quand même étrange, moi, comme pari, parce que satisfaire et juste avoir une relation, c'est différent. Oui. Tu peux facilement dire, ben non, c'était plate. Non, c'est juste que satisfaire, je trouve que c'est quand même relatif, là. C'est ça. Je sais pas de quoi se parle, moi, c'est tout le temps client satisfait. Client. Oui, pardon. Client satisfait. mais, cela étant dit, joke de Paris Pâté, ton pari est pas très hot. Ton pari Pâté. C'est quoi le rapport avec le Paris Pâté? J'essaie de faire un jeu de mots avec Paris Pâté, je sais pas. Oui, puis pourquoi pâté? Pourquoi pas, t'es? En italien. Bon, exact. Bueno. C'est ça. Au Nouveau-Mexique, maintenant, l'âge... comment est-ce qu'on dit ça? Age of consent, mettons, l'âge où de tu... consentement. De consentement, voilà. Et de 17 ans pour les actes hétérosexuels, alors que c'est seulement 16 ans pour les actes homosexuels. Hein? Ben oui. Donc, ça fait que le Nouveau-Mexique est le seul État qui a un âge plus bas pour la conduite donc homosexuelle par rapport à la conduite hétérosexuelle. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça au Nouveau-Mexique, mais ça a été comme ça avec le temps. C'est ce que la loi dit. On dit que c'est possiblement parce que dans le fond, le comportement homosexuel n'a pas de risque de mettre quelqu'un enceinte, ce qui justifie l'âge. Tu comprends-tu pas quelqu'un enceinte avec une relation comme celle-là? Donc, ils se sont dit que ça avait du sens. Je sais pas. C'est correct. Tu peux commencer la première année homosexuelle, puis après ça, tu vois si t'as envie de changer ou pas. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas si même ça marche. Je penserais pas, mais ouais. Donc, quelqu'un qui a 13 ans ou plus peut donner son consentement pour avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'a pas plus de 4 ans de plus que cette personne-là. Personne en dessous de l'âge de 13 ans peut également donner son consentement à des relations sexuelles au Nouveau-Mexique, peu importe l'âge du partenaire. On est toujours dans le domaine homosexuel un petit peu, mais pas toujours littéralement. Il y en a des fois que c'est par la bande. D'autres fois que c'est juste parce que ça bande. Par la bande. Est-ce que tu connais le bukkake? La quoi? B-U-K-K-A-K-E. Ça veut dire un gros splash en japonais. Un gros splash. C'est le genre de pornographie, dans le fond, c'est là que ce type de pornographie-là est né au Japon, vers la fin des années 1980. Donc, bukkake, c'est un terme en pornographie qui veut dire plusieurs hommes qui se rassemblent en cercle pour éjaculer sur une femme. Ça fait un gros splash. Un gros splash. Carrément. Et maintenant, c'est très populaire aussi dans la pornographie homosexuelle. Le Japon a beaucoup de censure. On a déjà parlé de censure dans la pornographie au Japon, ici à Kinky Sexy Time. Surtout par rapport à la pornographie. Donc, il y en a ailleurs aussi, mais c'est surtout dans la porno. La présence d'appareils génitaux doit être éliminée complètement. Ce qui est difficile à faire, évidemment, quand on filme de la pornographie. Ceux qui font ces films-là ont réussi à contourner la censure, étant donné que l'éjaculation est acceptable sur film, mais pas l'appareil génital. Donc, ceux qui font les films pixelisent l'appareil et le reste est montré. On se comprend là-dessus. Dans les années 90, ce genre de pornolo. C'est un saucisson. Oui, c'est exact. Donc, on a été amené aux États-Unis et en Europe, mais c'est un petit peu différent. Au Japon, la pornographie montre les femmes souvent complètement habillées, avec des petits habits kinky, genre des collières, des trucs comme ça. Quand on l'a amené aux États-Unis, par contre, on n'était pas vraiment intéressé par les habits, donc les femmes sont nues. C'est comme ça que le bukkake se passe. Maintenant, on transitionne un peu. David Raymer est né dans une vie presque normale avec un frère jumeau. Mais par contre, quand David avait 8 ans, il a été victime d'une circoncision qui a mal tourné. Le docteur a enlevé son manger masculin au complet. Alors, comment tu peux? Oups! Tu sais, puis flac, ça enlève tout le... Là, tu parles de David. Est-ce que tu parles de David Ferron? Ou... Oh, come on! Parle des rumeurs! Ça se fait pas, ça. Injonction. Peut-être, c'est peut-être lui, je sais pas. Donc, un docteur du nom de Dr. Money. Money. Donc, a convaincu, en fait, pas le garçon, mais a convaincu ses parents de faire un changement de sexe. Alors, enfin, c'était sa meilleure chance de survivre, exact. Je sais pas comment ils sont. Ok, peut-être, là. Peut-être. Donc, les parents étaient hésitants, mais le docteur, le médecin, les a convaincus que s'ils traitaient leur enfant comme une fille avec un vagin, une prothèse, dans le fond, et qu'ils donnaient des pilules d'estrogène à leur enfant, qui aurait une vie normale, selon ce médecin-là. David a été renommé Brenda. Déjà, là, tu lui nuis, c'est clair. Ça dépend, t'es pas obligé de prendre cet accent-là, Brenda. Donc, Brenda faisait toujours rire d'elle pour son apparence masculine. Qui avait des dans le fond, on peut dire « il » parce qu'il est redevenu « il » plus tard. Donc, il y avait des tendances plutôt masculines, comme je disais. Il se faisait agacer par les autres élèves. Il se faisait même ridiculiser par ses professeurs, ses enseignants. Donc, son frère jumeau est tombé dans l'enfer de la drogue. Son père est devenu alcoolique, sa mère a essayé de se tuer à cause de la culpabilité derrière tout ça. Et ses parents ont enfin dit à Brenda qu'il était finalement un garçon. Malheureusement, David a eu une vie très, très troublée. Et éventuellement, s'est suicidé. Mais c'est donc bien triste comme histoire. C'est déprimant, ça. Mais je trouve que les parents n'ont pas une grande conscience. Pas tout à fait, hein. Je sais pas l'ouverture d'esprit à cette époque-là. Je sais pas trop, c'était quand. Ça ne dit pas l'année, malheureusement. Ça ne peut pas devenir le sexe que tu n'es pas. Exactement ça. La Chine est responsable pour presque la moitié des poupées sexuelles du monde. Et utilise environ 70%. Donc, des grands utilisateurs aussi. Donc, la Chine, c'est le plus grand producteur de jouets sexuels. Pas nécessairement parce qu'ils font les meilleurs jouets, mais parce que c'est eux qui, j'imagine, ont les employés les moins chers et qui font les produits qui valent pas cher. Donc, pour garder les prix et les coûts de production au plus bas, Ben, ils ont, c'est ça, bref, c'est ce que ça donne comme qualité de produit. Ils ont même commencé à exporter leurs produits au Japon, en Turquie et en Corée du Sud. Un des problèmes principaux était donc la qualité de ces poupées gonflables qui faisait que le produit avait une durée de vie d'environ 6 mois. Plus de 80% des poupées sexuelles de la Chine sont fabriquées sans être approuvées par le gouvernement et ne rencontrent pas les lignes directrices de santé qui sont imposées par la loi. Ça peut être quoi un problème de santé causé par une poupée gonflable? J'imagine les matériaux utilisés. Ça doit pas être du... Genre, ça explose, puis ça fait des brûlures. Trop mince, je sais pas. Ben, au pire... Peux te fracturer, te fendre l'engin. Au pire, ça pète. Là, au pire, ça pète. C'est ça. Mais peut-être que c'est pas des tissus qui se nettoient, peut-être. Puis là, ça devient comme... Moi, j'imagine que ça doit être du plastique, du latex, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais ça se lave bien, ça, non? Je sais pas. Dur à dire. Peut-être toxique. Peut-être que c'est du plastique toxique lorsque ça rencontre la peau. Exactement. C'est en plomb. Donc, en 2008, les ventes de poupées sexuelles en Chine ont augmenté à 18,5 milliards de dollars et constamment, ça gagne 20% de revenus à chaque année. Étant donné la sécurité et la qualité des produits, c'est-à-dire faible, plusieurs personnes préfèrent d'autres marques étrangères, même lorsque c'est exporté ailleurs. Parce qu'il y en a tellement des réalistes. Oui. C'est que c'en est troublant. Ben, ou noir, ou brun, ou le trou. Le ça, là. Du... C'était trop. Ça, là. Eh boy, hein? On change de fil. Eh boy. On va à la NASA maintenant. On va dans l'espace. Tad Roberts était un jeune stagiaire qui travaillait pour la NASA et qui partageait son expertise avec eux. Il avait une soif d'adrénaline et il voulait accomplir des tâches de plus en plus difficiles. Une de ces tâches-là était de voler des roches lunaires qui étaient embarrées dans la bâtisse à haute sécurité où il travaillait. Il voulait pas voler les... dans le fond, ces roches lunaires qui n'avaient pas été touchées par l'humain. Tout ce qu'il voulait faire, c'était prendre les roches et faire des tests dessus. Dans le fond, c'était sa job, il voulait faire des tests dessus. Le seul problème, c'est que les roches étaient toutes dans la même pièce. Donc, la pièce n'avait pas d'oxygène. Donc, c'était pour pouvoir imiter l'environnement dans l'espace, il n'y avait pas d'oxygène. Donc, Tad et sa maîtresse, Tiffany, qui était aussi stagiaire, ont mis des habits spéciaux, un thermique, etc., avec des trucs d'oxygène pour te faire respirer. Ils sont entrés par réfraction dans le laboratoire où les roches lunaires étaient gardées. À cause du manque d'oxygène, il n'y avait pas le temps de réussir à trouver... Attends un peu, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit qu'il n'y avait pas le temps de... le système de sécurité, la cage, comment t'appelles ça? Le coffre-fort, débarrer le coffre-fort. Bref, donc ils ont tout volé au complet. Et entre le temps qu'ils ont volé les roches et qu'ils se sont fait prendre, Tad admet qu'il s'est couché sur les roches, qu'il a mis les roches sur un lit et qu'il a eu des relations sexuelles avec Tiffany dessus. Donc Tiffany a seulement eu une probation à la fin, mais Tad a servi presque 6 ans en prison. Et quand il est sorti de prison, Tiffany était déjà passée à autre chose. Donc bref, il a volé des roches lunaires, il a eu des relations sexuelles dessus. C'est ce que ça veut dire. C'est comme s'il était dans l'espace. C'est comme s'il était dans l'espace. Quelque chose. Comment ils ont fait dans leur suit? Ouais. Comment ils ont fait dans le même suit? D'après moi, ils sont entrés avec selon ce que je comprends de l'histoire, ils sont entrés dans la place où il y avait les roches. Ils ont peut-être volé les roches. Ils ont pris les roches et ils l'ont fait ailleurs. Ils les ont amenés ailleurs, c'est ça, puis ils ont eu les relations. Ah ben oui, c'est tellement agréable de faire ça sur des roches. D'après moi. C'est kinky. On va se le dire, c'est kinky. C'est la définition même du mot. Ah oui, oui, oui, oui. Donc, c'est peut-être rare, mais c'est possible de mourir de masturbation excessive. Oui. Ouais. Un homme de 29 ans est arrivé à la salle d'urgence se plaignant d'une fièvre et de vomissements. Après son examen, il a avoué le fait qu'il s'était masturbé beaucoup trop et que son pénis était rendu un petit peu, il était engorgé, ou en tout cas, je sais pas trop quoi, enflé. Serait le mot, je pense. Enflé. Voilà. Donc, ils ont réalisé, les médecins, qu'il avait contracté ce qu'on appelle la gangrène de Fournier. C'est bizarre, mais c'est une infection de différents types de bactéries mélangées ensemble. Donc, ce type d'injection-là est assez répandu chez les personnes âgées, surtout si celles qui ont un diabète. Le patient a admis qu'il utilisait du savon comme lubrifiant, que ça a peut-être causé d'irritation à la peau, ce qui fait qu'elle était plus susceptible à de l'infection. Ils ont donné des antibiotiques par intraveineuse et ils ont fait une chirurgie d'urgence sur son appareil masculin. Le patient a survécu. Il a dû avoir 3 autres chirurgies pour sauver son engin et son pénis et son scrotum. Ces chirurgies-là ont pris plusieurs heures. Il a même fallu qu'il transfère de la peau d'ailleurs sur son corps pour mettre sur son engin masculin. Ah ben, il a pogné la grand graine. La grand graine de Fournier. Pourtant, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est fourré. Hein? C'est la grand graine de pas fourré. Une étude britannique qui nous apprend que la longueur de l'engin masculin peut être reliée à la longueur de l'index. Donc, il y a plusieurs rumeurs, plusieurs mythes par rapport à la grandeur, à la longueur de l'engin masculin. Ouais, l'index, le nez. Le pouce, le bout du pouce jusqu'au pouce de l'index. Les pieds. Les pieds. Ouais. Juste te mettre tout nu. Donc, il y a plusieurs rumeurs, plusieurs mythes par rapport à la grandeur, à la longueur de l'engin masculin, mais est-ce que ça a une corrélation avec l'index, dans le fond? Donc, une étude britannique nous révèle qu'il pourrait y avoir une vérité derrière une de ces rumeurs-là. Les chercheurs pensaient que pour avoir la façon la plus efficace dans leur étude, ils avaient besoin d'hommes moyens en dessous de 40 ans, qui avaient moins de 40 ans. Donc, les chercheurs ont appelé 52 hommes. Les hommes ont été choisis par rapport à leur apparence physique normale, leur âge qui est entre 19... C'est quoi une apparence physique normale? J'imagine pas dans bon point, pas super, super mec. C'est quelqu'un de moyen. C'est vraiment chercher des gens moyens. Standard. Le régulier, si on veut. Donc, entre 19 et 38 ans. Les chercheurs ont ensuite pris des mesures de chaque homme, donc des échantillons. Ils ont utilisé leur engin à l'état normal et à l'état en érection. Hein? Donc, les chercheurs ont pris les mesures du volume, de la longueur et de la masse, hein? Et même le volume des testicules. La première observation qu'ils ont remarquée, c'est que bon, le testicule droit est toujours plus bas que celui de gauche. En tout cas, pas toujours, mais la plupart du temps. On a déjà parlé du fait que les testicules ne sont pas à la même hauteur pour empêcher de frapper lorsqu'on court ou lorsqu'on marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit celle de droite qui était plus basse. Je sais pas si ça dépend si t'es gaucher ou droitier. Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est une bonne question. Ça doit être aléatoire. Peut-être. Je sais pas. Donc, les chercheurs ont fait la corrélation avec la mesure par rapport à leur âge, leur grandeur, leur poids, leur indice de masse corporelle, leur ratio entre les hanches et la taille, et aussi la longueur de l'index. La corrélation entre l'engin masculin et la dimension de l'index était quand même impressionnante, nous disent-ils. Okay. Donc, ils peuvent pas nous dire genre que c'est quelque chose qui est vrai, mais que c'est comme... Ça tombait bien impressionnant. Souvent. C'est ça. C'est louche, presque. Voilà. Ça dit, en fait, la phrase dit « They were almost similar ». Ils étaient presque similaires. Ça, c'est comme... OK, similaire veut déjà dire que c'est pas mal similaire. Mais là, on veut dire... est-ce qu'il y a un ratio? C'est vraiment... Ça peut pas être la grandeur de l'index. C'est vraiment juste proportionnel. C'est ça, proportionnellement. Hey, range ça! Tu montes ton index, c'est dégueulasse. Proportionnellement, parce que là, c'est pas la longueur en tant que telle. C'est juste la proportion et le ratio. Ouais, ouais. C'est pas la longueur. OK. Vraiment. Vraiment pas. vraiment pas. Check ça, comment j'ai des petits doigts. Crée-moi, ouais, les petits doigts trapus. Hein. Désolé pour ceux qui ont les petits doigts trapus. Un dernier pour l'instant. Plusieurs adolescentes... Oh, on va finir sur quelque chose de déprimant. On devrait finir sur celle-là. On va revenir après. OK, ouais, tout ouais, se passe. Donc, pour l'instant, on va entendre une pièce musicale. Tu nous as choisi du Amor Blitz. Ben oui. On va entendre l'extrait qui est en 4e place francophone. Voici ma plus belle psychose. 89 FM. feu d'artifice grandiose. Je voudrais bien, c'est certain, que la détresse porte ton parfum. Et même si tu m'emmerdes à faire semblant que tout baigne, je voudrais bien que tu laisses un baiser humide sur mes lèvres. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Et on est toujours dans Kinky Sexy Time. Oh, bonne idée. Montre-moi ton index. Est-ce que tu veux que je sorte tant qu'à ça l'application règle sur mon iPhone, que je calcule mon index, puis tu fais ratio du 1? Okay. Ouais. Donc, on s'en retourne en Grèce. En Grèce antique. OK, je pensais que tu parlais du bacon. Non, c'est seulement. une chronique de faits sur la bouffe, là, ça sent. Ce serait un beau pays, hein? La Grèce. Le bacon. OK. Le canola au lieu du Canada. La médecine était pensée vraiment à la santé des femmes en Grèce antique. Les faits qu'ils avaient par rapport aux femmes étaient complètement faux. Les femmes étaient considérées comme le sexe le plus faible à cause des différences dans leur corps. Étant donné que l'engin masculin est externe, les Grecs voyaient ça comme genre quelque chose de bien implanté, c'est quelque chose de vraiment ferme et bien planté dans ton corps. Au contraire, ils sont tellement vulnérables, les hommes. D'autres, on se protège. OK. À l'intérieur, vous avez comme un bouclier. Hein. C'est ça, on protège nos organes. Tout à fait. Donc, vous autres, c'est tellement show-off. Vous, tout le temps, vous ayez le... Bande de fendants. C'est plus à l'air. Donc, étant donné qu'on était capable de le voir, on se disait que c'est ce qui les gardait en santé. Okay. Par rapport aux femmes, ils croyaient que l'utérus était un organe qui avait la possibilité de quitter le corps si on s'en occupait pas correctement. Donc, si l'utérus n'était pas accroché au corps, il avait la possibilité de s'en aller. OK? Ou de partir ailleurs dans le corps et d'aller écrapouter d'autres organes. C'est ce qu'il pensait. Il fallait écrapouter d'autres organes. Quand ils s'en vont, ils parlaient des menstruations, j'imagine. Ça doit être ça, exactement. Donc, la meilleure façon de garder l'utérus bien attaché à l'intérieur du corps, c'était d'avoir des relations sexuelles fréquentes et de tomber enceinte. Pour leur pousser dans le fond. C'est ça, pour leur pousser dans le fond et de tomber enceinte. Donc, quand les femmes ont commencé leurs règles, on se disait que c'était ça, il y avait trop de sang dans le corps. Les jeunes femmes étaient mariées très, très jeunes pour qu'elles puissent avoir des relations sexuelles régulièrement et espérons-le tomber enceinte. Alors que les adolescentes vieillissaient et ne se mariaient pas, ben là, ils commençaient à paniquer si ça arrivait. Étant donné qu'elles avaient peur de mourir d'une mort très, très douloureuse, certaines filles allaient même se suicider pour ne pas vivre cette misère-là. Voyons donc. Quelque chose. Il n'y a pas une courageuse à un moment donné qui a décidé de vivre sa vie puis se sont rendu compte que c'était vraiment niaiseux? Eh boy, je sais pas, sûrement. Sûrement. Mais je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont tué, j'imagine. Pour pas faire d'histoire. C'est ça, on tue du monde pas mal dans ça. Donc, maintenant, parlons d'extraction menstruelle. Carol Downer, née en 1933, est une avocate féministe américaine, auteure de livres de non-fiction, qu'on appelle, donc c'est des trucs qui sont pas fictifs, donc des biographies, des histoires vraies. Exactement. Donc, elle a focusé sa carrière sur les droits à l'avortement. Mm-hmm. Elle et Lorraine Rothman étaient leaders d'un groupe qu'elle a fondé, donc le Feminist Women's Health Center à Los Angeles, en Californie, en 1971. Downer et Rothman faisaient la promotion d'activités de groupe où les femmes se faisaient des examens cervicaux administrés par eux-mêmes à elles-mêmes. Par elles-mêmes aussi. Elle parlait aussi d'une procédure qui s'appelait l'extraction menstruelle. C'est une forme d'aspiration, donc c'est comme l'effet vacuum. Qu'on appelle. Donc, il est utilisé pour vider l'utérus. On compare ça à d'autres formes d'aspiration qui ont été utilisés pour passer le cycle menstruel au complet. Et ça a eu un rôle social dans la façon que les femmes, donc dans le fond, les femmes pouvaient avoir accès à un avortement un petit peu plus tôt sans avoir besoin d'assistance médicale ou de se faire d'avoir besoin d'une approbation légale, donc selon la loi. Danner et Rothman étaient les créatrices d'un appareil qui performait cette tâche-là. Le groupe a nommé son invention le DEL-M, D-E-L espace E-M, et donc rendait la procédure plus confortable pour les femmes qui pouvaient le faire elles-mêmes, donc en contrôlant elles-mêmes la succion. Le seul problème, c'est que plusieurs considéraient ça, cette pratique-là, comme de la médecine. Donc on disait qu'elles pratiquaient de la médecine. Donc en 1972, Danner a été arrêtée et accusée d'avoir pratiqué la médecine sans permis. Elle a aussi utilisé du yogourt pour traiter l'infection aux ovaires. C'est comme ça qu'on appelle ça, yeast infection, l'infection aux ovaires, il me semble. En tout cas, peu importe. Mais elle a fait ça avec du yogourt. Avec du yogourt, évidemment. Danner est donc allée en procès, a été acquittée parce que le jury ne voyait pas le yogourt comme une pratique médicale. Donc, la décision Roe versus Wade de la Cour suprême a rendu l'avortement légal en 1973. Après ça, les extractions menstruelles, oui, ont été pratiquées beaucoup moins fréquemment, mais ce n'est pas disparu, ça existe encore. Ouais, ça doit pas être super sécuritaire. Non. Mais en dessous, puis avoir un 15e enfant, j'imagine, à un moment donné... il y en a tellement qui ont essayé de s'avorter avec... un cintre. Oui, ouais, les broches à tricot, des trucs comme ça, on a tous déjà vu ça, pas en vrai, là, dans des films. C'est ça. Mais, ouais. Prends ton Hoover. Mais bon, ça prend des femmes qui font des choses illégales des fois pour faire avancer les choses. Tout à fait. Maintenant, le lapin Playboy. On connaît tous le symbole du lapin Playboy. On connaît l'habit que les femmes portent. Ben oui. Disons que c'est assez évident que c'est Playboy. Ça vient de l'esprit visionnaire, bien sûr, de Hugh Hefner. Les lapins Playboy qui sont des icônes, des mascottes pour le magazine Playboy depuis des décennies. Mais ces costumes-là étaient aussi... dans le fond, on dit que c'est... Pardon. Le premier uniforme... enregistré par le United States Patent and Trademark Office. C'est le premier service uniform, donc un uniforme qu'on porte pour un travail, pour un costume pour officiel. C'est vrai. Donc, c'est on appelle ça du rayon satin, c'est une sorte de satin, hein? Sur un corset avec des oreilles de lapin, une queue en coton, un collet, genre, un nœud papillon, si on veut, des genres de trucs de manchette. Ouais. Des sous-vêtements noirs, en fait, des sous-vêtements, des collants noirs, ouais, et des souliers à talons hauts qui vont avec l'ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on décrit ça. C'est supposé être sexy avec un petit peu de classe. C'est en effet pas mal classe. Ouais, bah oui. J'adore ça. Donc, ça n'a jamais été une question pornographique, cet habit-là, ce costume-là. Ben non. Non, qu'ils disent. Ils ont une couturière à temps plein qui était engagée donc à chaque Playboy Club pour créer un costume qui est exactement parfait pour l'employé en tant que tel, s'assurant que chacune vraiment ait la bonne forme. Donc, le brevet dont on a parlé tantôt, le US Trademark Registration Number numéro 0762884, donc était le premier uniforme de service donc à avoir sa propre marque de commerce, assurant que la marque Playboy puisse toujours garder, dans le fond, pas se faire copier. Voilà. C'est intéressant. C'est cool. Deux nouvelles études nous apprennent que si tu regardes dans les yeux d'un étranger pendant deux minutes, tu vas commencer... Mais tu vas te faire regarder bizarre. Probablement, mais si les deux sont consentants, tu pourrais peut-être révéler une histoire d'amour. Donc, pour prouver la théorie que regarder quelqu'un, ben, ça va révéler un amour certain. Donc, les chercheurs ont décidé de conduire une étude où deux étrangers se regardaient dans les yeux et on regardait donc s'il y avait une connexion qui se produisait entre les deux. Deux études séparées, pour commencer, la première. Les deux ont eu des résultats similaires de toute façon, mais la première avait 96 sujets. Personne. Donc, le groupe s'est fait demander de compter le nombre de fois que leur partenaire clignait des yeux dans une période de deux minutes. L'autre groupe s'est fait demander de juste regarder profondément dans les yeux de leur partenaire inconnu, encore une fois, c'est une façon de détourner. C'est pas pire, hein? Ouais. C'est fort. Donc, ça, c'était la première étude. Deux groupes dans la première étude. Deuxième étude, un groupe de 72 sujets. Ils n'utilisaient pas la technique des clignements des yeux. Juste regarder. Mais les deux résultats des deux tests sont similaires. Dans les deux tests, les sujets se sont fait demander donc de regarder intensément. Ils avaient des sentiments... augmenter, donc une augmentation des sentiments de passion lors des tests écrits. On leur demandait votre niveau de passion sur 10 ou quelque chose comme ça, peu importe. Là. Mais ils disaient qu'il y avait eu plus. Dans le fond, ils ressentaient quelque chose pour la personne après les avoir regardés pendant deux minutes dans les yeux. Les sujets qui se sont fait demander de compter le nombre de clignements des yeux, on se rappelle tantôt, eux ne ressentaient rien de différent par rapport à leur partenaire assigné. Donc, cligner les yeux, donc avoir une job, faire ça pour une raison, ça augmente pas la passion. Ouais, mais tu regardes pas pour la même chose. C'est exact. C'est ce que ça nous a appris, alors que je pense qu'on savait déjà. Là. Mais ça a augmenté un petit peu l'amour ou la passion pour un étranger de les regarder dans les yeux pendant 10 minutes. Bon, ça veut rien dire, c'est comme ça. Oh, mais c'est quoi les chances? Ça arrive pas dans la vie de tous les jours de juste... Des fois, juste pendant par hasard. Pendant 2 minutes? Peut-être pas 2 minutes, non. Non. C'est ça. Non. Et peut-être pas directement dans les yeux de la personne noire, c'est ça. Ben non, parce que c'est juste bizarre. Deux personnes qui se connaissent pas, qui se regardent 2 minutes dans les yeux, c'est déjà... Mais si ça s'applique à des étrangers, est-ce que ça pourrait s'appliquer à des gens qui se connaissent? Est-ce qu'on, tu sais, mettons, quelqu'un pourrait faire le test, deux personnes qui se connaissent? Je pense pas, tu sais. Admettons, nous autres, on s'aime déjà pas. C'est ça. Fait que je pense pas que ça pourrait aller plus loin. Au pire, on va moins s'aimer encore. Est-ce que ça va augmenter la haine? C'est ça va développer la passion de notre... Mutuelle, c'est ça. Hein, on se donne une belle réputation en ce moment. Un autre endroit qui a une bonne réputation, c'est la Corée du Sud, bien sûr. Ben oui. Bien sûr, non, c'est pas vrai. Donc, il y a Loveland qui est un parc thématique sur l'amour, localisé sur la merveilleuse île de Jeju. En Corée du Sud. Donc, le climat chaud attire les touristes locaux. Et étant donné la beauté de cette île-là, c'est là que la plupart des gens, on dit la plupart, bon, une bonne proportion de gens, au Japon, va faire sa lune de miel. Là. Donc, c'est devenu très populaire, particulièrement lorsque les mariages sont arrangés d'avance, c'est les arranged marriages. Ah, ça existe encore, ça, c'est pathétique. Mais, ouais. Donc, Loveland qui est ouvert depuis 2004, ça continue d'attirer les gens en lune de miel. Le parc a des films d'éducation sexuelle qui roulent en boucle. Tout le temps. 140 sculptures qui sont l'attraction principale de Loveland. Chaque sculpture a une image vraiment graphique, donc vraiment, pas cachée du tout, de différentes positions sexuelles. Il y a aussi ce qu'on appelle un hand-on exhibit. Donc ça, c'est une... je parle un mot pour exhibit, là. Pas de démonstration, une exposition genre, ouais. Où on peut vraiment, ça explique la masturbation et tu le fais hands-on, donc tu vas le faire à la main sur des objets pour enseigner. C'est assez bizarre comme endroit, non? Tu trouves. Donc, Loveland est l'endroit, ça dit, entre guillemets, un endroit où l'art orienté sur l'amour et l'érotisme se rencontre. L'érotisme, c'est bien sûr qu'on dit. On dirait une émission à Canal Vie. Tu sais, qui passe à 11h, puis c'est une gang de gars dans le bois qui essaient de se recentrer sur leurs sentiments. Ça se peut. Puis là, ils sont tout nus, puis ils pleurent. Il y a beaucoup d'émissions avec des gens nus à télé en ce moment. Oui, puis ils pleurent. Tout en train de pleurer. Mais moi, ça me rappelle Eros et compagnie, l'émission de sexe qu'il y avait à Canal Vie dans le temps. Ah, mon Dieu. C'est une animatrice, là, semi-âgée, qui recevait des chroniqueurs sexuels. C'est bien drôle. Ah, mon Dieu. Ben, elle s'appelait pas Louise, quelque chose comme ça. Possible. Il me semble que ma mère, elle a enregistré une émission 1 heure l'après-midi, dans le temps. Ça me semble c'est de bonne heure. Ça se peut. Ça, ça se mais peut. Justement, les enfants sont tous à l'école. Ah, bon point. T'as bien raison. C'est ça. Je pense que ça va être assez pour Kinky. Est-ce qu'on en fait un dernier? Ah, ben oui. Un petit dernier. Je vais essayer d'en trouver un vraiment le fun. Ah, t'sais. Une femme qui essaie d'empoisonner son mari en utilisant son entregent féminin. Avec l'odeur ou... Ben, ça contribue, c'est pas avec l'odeur, mais ça contribue, l'odeur est un facteur. Donc, une femme du Brésil en avait assez de son mari. Elle s'est dit que la façon la plus intelligente de le tuer serait de ne pas se faire attraper en train de le tuer. Faut pas qu'elle se fasse prendre. Ben oui, ben, oui. Donc, la femme a mis une dose fatale d'un poison, qu'on ne sait pas c'est lequel, dans son vagin. Son plan était de saisir son mari et en séduisant, elle allait le convaincre d'avoir des relations orales avec elle. En le faisant, elle espérait qu'il allait juste tomber mort à cause du poison dans son entrejambe. Les choses, évidemment, ont mal tourné. Aussitôt que l'homme a approché son visage de son entrejambe, il a remarqué un odeur particulier par rapport à la normale. Hein? Ah. Donc, il a commencé à se poser des questions et il a pris la décision de l'amener à l'hôpital parce que cette odeur-là, ben, quand même, peut-être qu'elle était malade. Donc, elle s'est laissée faire. Parce qu'elle voulait pas l'avouer qu'elle avait mis du poison dans son entrejambe. Elle aurait pu juste dire, mon Dieu, je vais aller prendre ma douche. Oui, genre. Mais bon, donc, ils se sont fait poser des questions par les docteurs par rapport à sa condition, ses symptômes. La femme a tout avoué. Dans le fond, de son meurtre prémédité. Bravo. Bravo. Les médecins ont aussi dit qu'elle avait utilisé assez de poison, non seulement pour tuer son mari, mais pour se tuer elle-même aussi, parce que le vagin, ben, Corinne, ça absorbe bien. Ben, c'est une muqueuse. C'est exact. Comme on appelle. Comme on dit dans le domaine. Dans le domaine des muqueuses. Genre, elle n'a pas été arrêtée. Ils disaient que la situation était très unique, mais ils ne l'ont pas arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Son mari prévoit la poursuivre. Pour meurtre, avoir essayé de le tuer. Ben, j'espère. Ben, j'espère aussi. Voilà, c'est tout pour Kinky Sexy Time. Ça finit bizarre! Un petit peu, je trouve! Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est Kinky, c'est pour un public plus ou moins averti. On fait ça pas mal souvent, hein, sur Majority, moins souvent l'été, apparemment. On s'en va entendre Jack White. OK, oui. Oui, tu nous suggères l'extrait du côté anglophone. Ça fait deux semaines que c'est là seulement, deux périodes de palmarès. C'est l'extrait Lazaretto. Tout de suite. Sur C'est fou. 89 FM. Jack White. Ah oui, Monsieur Jacques Leblanc. Au retour dans la deuxième heure d'Assemblage requis, on va voir. Ben en fait, on va remonter nos culottes pour commencer parce que là, Kinky, c'est fini. Oui, range ton index, là. Une heure, oui, une heure de Kinky. On remet tout dans où ça va. Le doigt dans les poches avec le reste de vos mains. Ouais. Au retour, c'est sexy, mais ça devrait répondre là. Des gadgets inutiles à acheter sur Internet. Ah! Une autre heure encore. Je suis tout énervé. Ça se peut dessus, ça. On passe du temps là-dessus. Bon, on aime ça. Ouais. On retourne, deuxième heure, restez là! Des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Sans avenir pour toi, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis pour la semaine du 11 août 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, en effet. Et dans quelques instants, ce sera la chronique où on ajoute des choses avec de l'argent qui pousse dans nos fesses, je pense, hein, pour aller avec Kinky tantôt, je pense. Moi, ça pousse dans ma carte de crédit. Dans ta craque de crédit, comment? Oui, c'est ça. Dans ma craque de crédit. C'était pas un lapsus, c'était vraiment la craque de crédit. J'ai pas dit ça. Ça, c'est juste dans tes oreilles que t'entends parler de ma craque. Donc, ce sera dans quelques instants, mais avant ça, tu nous as choisi une autre chanson de Pai Pai. Ah oui, l'autre est bonne, là, Tarte au Pacan. Oui, le jour de Pacan. Pagan Day, en effet. Ça me fait penser à de la Haagen-Dazs. Oh. Ouais. Une chance qu'on n'a pas de congélateur hein, pour la bouffe de la semaine, parce qu'on mangerait juste la crème glacée. À chaque semaine. Même les jours où il n'y aurait pas d'émission, je crois que je trouve une façon. Mais non, c'est l'extrait New York qu'on s'en va entendre. C'est récent sur le palmarès. C'est en position numéro 12. Ça, c'est fou. Yeah. Bye Bye New York, position numéro 12 anglophone. Pas mal bonne, ça là aussi. Hey, mais hein. C'est bon, pie, deux fois plus. Ça fait deux tartes. Deux tartes pour un seul prix. Dans 16 semaines, ça devrait pas. Oh, deux pour un! Oui, oui. Ça existe, ça ne devrait pas. C'est la chronique. On l'a en passant. Ça existe, ça devrait pas. On l'a. Oui, oui. C'est au complet. Ouais, tu l'appelles par son petit nom. T'es rendu pas mal intime. C'est ça. Il me semble. C'est un peu louche. Le temps qu'à faire un raccourci, il m'a juste dit ça existe. Donc, c'est la chronique où on achète des choses sur Internet. Commençons avec un petit bloc thématique sur les choses qu'on peut porter sur soi. OK, OK. Donc, que ce soit bracelet ou autre, tu des trucs. Un kangourou. Peut-être pas, je pourrais dire d'avance. Peut-être pas. Peut-être poche? Peut-être pas. Ah, c'est bon, c'est drôle. On parle de monde pour commencer. Donc, chaque minute qui passe est précieuse, tu le sais. Hein, le temps file, nos âges avancent. Oh, arrêtez, déprimant. Mais je sais bien. Mais des fois, on a besoin d'un rappel que la vie avance vite. C'est la montre Ticker, T-I-K-K-E-R, qui vous exprime, vous montre que votre durée. Vous montre. Oh, wow, c'est vrai. J'en fais sans le savoir. Drôle sans le savoir, c'est notre. J'ai réussi à un avis. Donc, notre temps sur la planète est limité et on essaie de vous le montrer avec cette montre Ticker-là. Ce que ça fait, c'est que ça affiche non pas l'heure de la journée, mais le temps qu'il te reste à vivre, en théorie. Arc! Donc, excusez, je trouve ça déprimant. Ça l'est. Donc, vous remplissez un petit questionnaire en ligne pour déterminer votre durée de vie potentielle. Es-tu fumeur? Bois-tu de l'alcool? Ta grandeur, ton poids? Est-ce que t'as une bonne vie sociale? Ouais. Manges-tu du chocolat? Oui. On pourrait continuer sur bien les affaires là-dessus. Donc, on va déduire votre âge que vous avez présentement pour vous donner un résultat. À part être un symbole de votre mortalité, ça montre aussi aux autres que vous prenez la vie au sérieux et que vous prévoyez en profiter le plus possible. On demande 39$ présentement pour... évidemment, c'est sur un projet Kickstarter.com. Là, comme c'est pas cher. Ouais. C'est déprimant. En effet. 98 000 $, donc presque 100 000 ramassés sur un but de 25 000 en ce moment. Il y a donc bien du monde qui veulent savoir quand est-ce qu'ils vont mourir. Vraiment. Si vous donnez 39$ en passant, vous allez avoir la montre en noir à ce prix très, très bas. Vous pouvez aussi mettre seulement 10$ pour avoir un livre électronique, mais pas la montre. Et là, ça monte à partir de là. Ah, OK. Je sais pas si ça prend en compte, par exemple, si tu poses des questions comme « Regardes-tu des deux côtés de la rue avant de traverser? » Puis là, il soustrait du temps. Je sais pas. Hein? Ça pourrait te nuire ou t'aider. Dans ce cas-là, te nuire. Mais... ensuite, on reste dans les bracelets, bien sûr. On y va avec un bracelet qui vous donne des chocs électriques si vous ne faites pas assez d'exercice. Je pense qu'on aurait tous besoin de ça dans la vie. Donc, quelqu'un a créé un appareil que les gens porteraient volontairement et pour recevoir un choc électrique en ne suivant pas son régime d'exercice. Donc, c'est évidemment, les produits qu'on porte sur soi-même sont très, très à la mode. Celui-là s'appelle le Pavlok, P-A-V-L-O-K. Son créateur pense que les bracelets peuvent être utilisés pour entraîner les personnes qui les portent avec du renforcement négatif ou du renforcement positif. Contrairement aux autres bracelets qui, eux, ont du renforcement positif. Ouais, ouais. Tu vas avoir un prix, c'est un petit trophée si tu atteins ton but, etc. Bon. Donc, apparemment, tes amis ont le pouvoir de te donner un choc quand vous ne réussissez pas votre défi. Vous pouvez aussi perdre l'accès à votre téléphone cellulaire et avoir des contraventions, genre des prix à payer. Et ça, ce serait vous qui vous donneriez cette pénalité-là. Donc, Pavlok peut vous récompenser aussi quand vous arrivez à vos buts, comme les bracelets traditionnels. Il y a des façons de gagner des prix, même gagner de l'argent quand tu complètes une tâche quotidienne. Ah ouais? Oui. C'est toi qui décides de tes propres buts, comme par exemple faire un certain nombre de pas par jour, aller au gym. Pavlok va utiliser les données GPS pour savoir où vous êtes. Et si vous n'allez pas au gym, par exemple, il va le savoir parce que vous êtes suivi par le GPS. On ne sait pas encore à ce point-ci comment le mécanisme de choc électrique va fonctionner. On sait par contre qu'on peut aller jusqu'à 340 volts. Et ça, c'est sûrement pas plaisant. J'en ai aucune idée. Moi non plus, mais ça n'a pas l'air plaisant. Mais écoute, moi, tu me dis choc électrique, je fais juste pogner un choc sur la poignée de porte, puis je suis déprimé. Tu fais juste mettre ta lance sur une batterie carrée. Arc! On a tous déjà fait ça juste une ben fois. Oui. Mais une fois. C'est assez. Donc, le Human Zapper, c'est son nom. Non, je pense pas que ce soit son nom pour vrai. Donc, n'est pas sur le marché encore. Ça va être en vente en 2015 environ, mais les gens qui sont intéressés peuvent participer pour essayer d'avoir un prototype de série limitée pour 250$. On peut aussi précommander le modèle commercial pour 150$. J'aime ça. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'aime et j'ai deux choses à te raconter à ce sujet. Vas-y donc, hein. Tu parlais que tu pouvais gagner de l'argent selon les buts et tout ça. J'ai trouvé qu'il y a un site internet, c'est comme des régimes de groupe, si on veut. Tout le monde se fixe un but, c'est sur combien de temps exactement, je m'en souviens pas, c'est peut-être 2 ou 4 mois. Je pense que tu as plusieurs défis différents. Et pour t'inscrire au défi, tu dois payer. C'est un petit montant, je pense que c'est pas plus que 30$. Et au début du défi, tu dois te peser et prendre en photo la pesée, prendre en photo dans ton environnement. Et à la fin du défi, tu dois ensuite refaire la même chose, prendre en photo ta pesée, tout ça. Et les gens qui vont avoir réussi à atteindre leur but d'avoir perdu tant de poids en tant de temps, l'argent qui est de tous les abonnements est redistribué à toutes les personnes qui ont réussi le défi. Donc, t'es comme payé pour avoir réussi ton défi. Wow. Donc, déjà, tu sais que t'as de l'argent en jeu. Tu dis, c'est parce que ça ne tente pas de perdre mon 30$. Je vais me donner, puis tout ça. Et t'es assuré de revoir au moins ton montant que t'as dépensé si tu réussis le défi. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça se fait en gang aussi, donc c'est un réseau social, donc tout le monde peut s'encourager, tout ça. Et moi, je mettais souvent, j'ai déjà fait ça à quelques reprises, tu te mets un élastique en caoutchouc autour du poignet, et à chaque fois que t'as le goût de grignoter en dehors des repas, tu tires sur l'élastique, ça fait pow! Ben oui. Donc là, ton cerveau associe envie de grignoter à aïe, ça ben fait oui. mal. Faudrait que quelqu'un d'autre te le fasse pour que ce soit plus crédible. Non, inquiète-toi pas, je tirerai fort. OK. Mais on stand vite. J'imagine, je sais pas. Je suis pas sûr, celle-là, la mutilation. Et si tu me regardes, tu vois que ça n'a pas marché du tout parce que je grignote tout le temps. J'ai l'argent dans mon sac. On grignote-tu pendant la pause musicale, je pense. Mais c'est comment ça s'appelle ton truc de défi? Je m'en souviens pas. J'en connais qui ressemblent à ça. Je me rappelle en avoir téléchargé quelques-uns. Mais ce n'est pas des applications, chose. C'est pas vraiment ça. Des sites internet. Parce que moi, il y avait Diet Bet. Je crois que c'est ça. Diet Bet. Ouais, exactement. Pour enlever votre taille de bête. Rare. OK, mais il y a une application avec laquelle tu peux... Ah, c'est cool! D-I-E-T-B-E-T, Diet Bet. Ouais, et t'as le 4 et 10, donc je pense que c'est la longueur du défi, okay. En fait. C'est cool. Intéressant? Oui, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai téléchargé et... Moi, pourquoi t'as téléchargé ça? Parce que je l'ai vu passer. Je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais... Il faudrait qu'on se botte un peu, hein. Fait qu'on se botte les... On va se botter et bourler. C'est ça, on s'en repart. On y va maintenant avec... on reste dans le bloc de choses à porter, mais là, pour votre animal de compagnie. Votre animal de compagnie est-il assez visible le soir? Non. Il lui faut donc un collier. Ça dépend si elle a les yeux ouverts ou pas. Un chat dans le noir, ça. Tu vois ses yeux, c'est non? C'est vrai? Tu vois... Ouais? Un minimum de lumière, maintenant. Le reflet est facile à faire, mais bon. Mais bon, donc s'il sort dehors, c'est pas des yeux qui vont l'empêcher de se faire frapper. Hein. C'est un collier pour chat illuminé. Évidemment, c'est super beau, à la mode aussi. C'est beau. C'est très tendance. C'est parfait pour les animaux qui sortent le soir, la nuit, ou ceux qui veulent juste se démarquer en étant vraiment à la mode plus que les autres chats. C'est 35$. Ouais, mais ça nuit pas à la vision du chat. Parce que si t'as beaucoup de lumière de proche qui rentre dans les yeux, tu peux pas voir d'aussi loin. Mais si ton collier est assez serré, il verra pas, non? Je sais pas. Mais non, mais pas nécessairement voir le collier, mais tu vois la lumière que ça dégage. Ouais. Tu sais, si tu te mets une lampe à côté des yeux, tu verras pas très très loin, me semble. Sauf si ça éclaire loin comme une lampe frontale. Moi, je me demande comment ils ont testé ça. Hein? Est-ce que tu peux tester ça? T'sais? Ben, je pense pas. Ben, oui, peut-être. Tu peux peut-être mettre du manger à chat dans un labyrinthe, dans le noir. Okay. Je te suis. Tu lâches les deux chats. Tu sais, comme des rats dans un petit labyrinthe. Ouais. Là, tu lâches les deux chats. Un avec un collier, un pas de collier. C'est le premier qui se rend. Marie, tu peux te rendre à l'odeur. Mais tu vas voir si le chat, il se rentre la tête des murs ou pas. Ah, il y a ça. Hein, pas pire? Je pense qu'il a trouvé la solution. Et voilà! Voilà! Vrai scientifique. J'ai ça dans le sang. Docteur Paradis. Non, Docteur Pepper. Docteur Pepper. Mais Pepper, c'est mon nom d'utilisateur partout. C'est vrai, ça? Fait que tu peux m'appeler Docteur Pepper si tu veux. Ça ou Mademoiselle Sporadis. Ouais, c'est pas un radis. Sporadiquement, pardon. J'aime pas ça, les radis. Non, on reste dans les affaires à porter avec un moniteur pour bébé qui s'appelle le Sproutling. Pour bébé, toi. Un bracelet pour bébé. Donc, c'est un truc à porter pour enfants. J'espère que c'est imperméable. Je ne crois pas. Ça bave tout le temps, les bébés. Ça vomit, puis tout. OK. Ouais. Ben, il y a une différence entre peu recevoir un peu d'eau sans briser et plonger dans l'eau. Donc, sûrement, c'est résistant à l'eau, au moins. OK. On va y venir. Donc, c'est pas vraiment un moniteur pour bébé traditionnel. Donc, dans le sens que, tu sais, les moniteurs pour bébé, on peut entendre et voir son bébé, des fois, avec une caméra. Plutôt, c'est un tracker. pour savoir comment ils se sentent. Donc, ça entend le niveau de bruit ambiant. Ça regarde leur battement de cœur. Et le petit bracelet Sproutling va autour de la cheville du bébé pour voir sa fréquence cardiaque, la température de sa peau, son mouvement, sa position. Et ça va ramener tout ça à une application iOS pour toujours savoir ce qui se passe avec ton enfant. Donc, le Sproutling Band vient en trois grandeurs, mais ça vient dans l'emballage avec trois grandeurs, donc ça peut grandir avec ton enfant. C'est lavable à la machine, donc j'imagine donc résistant à l'eau, c'est lavable à la machine quand même. Ça se charge sans fil avec un pod qui est inclus avec. Le pod est aussi un moniteur de bébé pour les conditions de sommeil, la température de la pièce, les niveaux d'humidité. Donc, Sproutling est disponible pour précommande présentement pour 250$ sur sproutling.com. Est-ce qu'il nous en reste plusieurs? Il nous reste encore deux trucs à porter. Pour commencer, la montre intelligente Rightot qui projette les messages et les notifications sur sa main. La montre intelligente est devenue le nouvel accessoire à posséder. On l'a dit mille fois à chaque fois qu'on en parle. Mais l'accueil des consommateurs est timide. Les horlogers traditionnels y croient très peu. La solution est peut-être de se démarquer des concurrents avec des fonctionnalités encore jamais vues ailleurs que dans la fiction. Rightot, R-I-T-O-T, une entreprise californienne qui est en démarrage, a créé une montre intelligente tout à fait hors du commun. Cette dernière a la particularité de projeter sur la main et de vibrer en cas de messages et notifications reçus. Grâce à un pico-projecteur, la montre projette un affichage toujours net sur la main, quelle que soit la luminosité environnante. La montre a une capacité de projection de 150 heures, donc 6 jours ou 1 mois en veille. Une fois reçu, le message disparaît de la main au bout de 10 secondes et si on secoue le poignet, le message disparaît instantanément. La montre est unisexe, étanche, convient au droitier comme au gaucher et n'a qu'un seul bouton de manipulation. En plus d'afficher l'heure, la montre se connecte au téléphone intelligent du titulaire grâce à la technologie Bluetooth. Par ailleurs, la montre se charge sans fil. Il suffit de la poser sur un socle de rechargement prévu à cet effet. Pour financer son projet, l'entreprise a fait appel à la plateforme, évidemment, Indiegogo. Le projet a été mis en ligne le 7 juillet dernier. L'objectif était de réunir 50 000 $. Pour l'instant, on est à 449 589. Wow. Donc, objectif atteint à 900%. Quand même. Un succès incontestable de bon augure pour la sortie du produit prévu au début de l'année 2015. Le prix se situerait aux alentours de 130 $ américains, sans compter les frais de livraison. Voilà. On peut participer jusqu'au 21 août, d'ailleurs. C'est cool, t'as juste un bracelet, ça te projette sur le dessus de la main. C'est inutile. Complètement. Mais c'est beau. Ben oui. Non, mais pas la projection. Ça, pour eux, ça m'attire pas. Okay. Mais le bracelet, je le trouve très, très beau. Ben, c'est... Tu vois où il est violet en dedans, là? C'est beau. C'est possible, c'est bien possible. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est noir extérieur, blanc intérieur, blanc sur blanc, blanc avec violet, noir avec violet et une autre sorte de noir avec une autre sorte de... C'est le même violet. On dirait le même deux fois. Plusieurs modèles de couleurs. Non, je pense que le côté est comme argenté, alors que l'autre, il est comme plus noir, charcoal, brillant. Chrome, j'aime pas ça, chrome. Non, non, ben noir chromé. Ouais, ça c'est possible. Non, c'est cool, mais... Ça parle seulement de la fonctionnalité montre. T'sais, est-ce que c'est montre? Qu'est-ce que ça fait comme montre? Est-ce que ça a des... Parce que ça parle du Bluetooth, ça parle du financement, ça parle du projecteur, ça parle pas de qu'est-ce que ça a comme capacité à être une montre intelligente. Parce que l'article commence en disant montre intelligente. Okay. Bref, R-I-T-O. Dans l'arsenal disponible pour arrêter de fumer, la firme Chrono Therapeutics veut ajouter une nouvelle arme. Elle se nomme Smart Stop, une sorte de patch électronique intelligent permettant entre autres de contrôler la dose de nicotine délivrée. Le concept sera-t-il validé par les autorités sanitaires? C'est cool ça. Ça a l'air le fun. Alors que les substituts à la... On commence à fumer? Pour pouvoir on arrêter. On arrête avec ça? Bonne idée, dépenser plein d'argent sur les cigarettes et ensuite sur le gadget. Voilà. Alors que les substituts à la nicotine sous forme de patch diffusent en continu la substance dont raffolent les fumeurs, un nouvel appareil appelé Smart Stop anticipe la sensation de manque et diffuse la nicotine avant que le besoin de fumer ne se fasse sentir. Pour ce faire, il délivre des doses de nicotine à travers la peau grâce à des cartouches jetables. Cet appareil, développé par Chrono Therapeutics, se connecte au smartphone et aux tablettes en Bluetooth et personnalise les doses en fonction du profil de l'utilisateur et des données initialement renseignées par l'ex-fumeur. Contrairement aux patchs jetables traditionnels, les utilisateurs de Smart Stop peuvent ajuster leur dosage à la main. L'appareil est aussi capable d'adapter des doses en fonction de la personne et d'aider à le sevrer, la personne progressivement. En toute situation, l'appareil envoie des messages d'encouragement aux détenteurs du smartphone et permet aussi de sympathiser avec d'autres abstinents de la cigarette par le biais d'une communauté de forums en ligne. Donc, Chrono Therapeutics a réussi à lever en juin 32 millions de dollars de fonds auprès de grands acteurs du secteur médical américain. La firme explique avoir déjà développé plusieurs brevets pour commercialiser l'appareil aux États-Unis et en Europe. L'autorité sanitaire du pays, donc la FDA, sera en train de considérer une possible mise en marché. Et à sa sortie, Smart Stop pourrait coûter environ le même prix que les produits de nicotine actuellement proposés sans ordonnance. Ah ouais. Le même prix!

Deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On fait ça pendant l'heure au complet. Et commençons un petit bloc sexuel. Ah! On va y aller avec un vibrateur à stimulation électrique. On a entendu parler tantôt de choses bracelets. Ouais, j'espère qu'il ne donne pas des impulsions de 340 volts, des chocs électriques in the vagina. Ben, en fait, c'est pour commencer un gadget qui s'appelle le Mistim E-Stim Vibrator à 170$. Deux moteurs, 5 vitesses. Il y a aussi une surface de stimulation conductive sur la longueur complète du côté du vibrateur qui est en forme évidemment d'engin masculin. Et c'est ça, ben, apparemment, c'est le premier vibrateur qui combine le plaisir orgasmique de la vibration et la stimulation électrique. J'imagine. Cool. Je comprends pas. Ça doit être un léger choc qui t'excite en te, t'sais, parce que t'as la vibration. T'as un petit genre de buzz. Bzz, ouais. Spécial. Pas, hein? Très, très noir comme gadget. Très, très... Raciste! C'est exactement ça. Mais avec une racine blanche. Donc, c'est vraiment comme le yin-yang. Ah, oh, c'est beau. C'est multiculturel. C'est ça. Multi-ethnique. Tous dans la main. Ouais. Au lieu d'être main dans la main, c'est pénis dans la main. Ouais. Un truc à exercice maintenant. Pour faire des exercices, tu connais les exercices de Kegel? Oui. Où tu te contractes le muscle... Qui fait arrêter de faire pipi. Exact. Mais il faut pas que tu le fasses pendant que tu fais pipi. Ah non? Non, c'est dangereux pour les infections. Ah, je savais pas ça. C'est bon, ouais. Ça va. C'est juste pour tester c'est lequel le muscle que tu comprennes c'est quoi. Trouver le bon. C'est ça. Une fois que tu sais c'est lequel, c'est t'arrêtes ça, de faire ça. C'est okay. Ça, c'est ça. Je comprends. Donc, ça s'appelle le Kegel. Au lieu de Kegel, K-E-G-E-L, c'est Kegel, K-G-O-A-L. Donc, c'est un équipement de fitness vaginal compatible avec le téléphone cellulaire qui est fait pour renforcer votre muscle pelvien. Pelvien, d'accord. Donc, avec les exercices de Kegel, ça va vous ranker, comme on dit, vous mettre sur le tableau, à savoir comment vous squeezez sur une échelle de 1 à 10. Et plus vous squeezez fort, plus la vibration va être intense comme récompense. Tu comprends? Ça va vous donner une récompense. Ah! C'est fort, hein? Donc, j'aime ça comme idée. Le bulbe presque qui va à l'intérieur de votre vagin. Hein? Donc, c'est ça. Il y a une partie qui va à l'intérieur et une partie qui va à l'extérieur. Il y a une poignée à l'extérieur. Voilà. Donc, le Kegel est donc un trainer qui fonctionne comme appareil d'exercice et comme système de monitoring de votre performance. Un système aussi pour vous guider à travers tout ça. Donc, ça dit que le projet a déjà reçu tous ses fonds sur les systèmes de sociofinancement. Ça va être fabriqué plus tard cette année. Ça va commencer à 125$. Donc, on va utiliser l'appareil et l'application qui va avec. C'est comme avoir un gym personnalisé, un thérapeute physique et un système de tracking tout le temps, en tout temps. Voilà. Superbe. Oui. C'est un peu comme dresser un chien. Dresser une chienne. Non, ça marche pas. Ah, ça, c'est méchant. Non. On reste dans le domaine des trucs sexuels avec une bouteille en forme d'engin masculin. Pour ils ont pris la peine de le censurer. Bien sûr, parce que ça ressemble beaucoup, beaucoup trop à notre superbe partie de l'anatomie. Donc, c'est vraiment une bouteille de plastique, mais en forme de pénis. Et au bout, t'as, bien sûr, ce qui va te squirter de l'eau dans la face. On peut voir toutes les veines et tout ça sur le côté. Vous pouvez cliquer, il y a un lien dans l'article qui vous mène vers la photo de mon censuré sur Amazon. Sur Amazon, aucune censure. En 8,19$ avec shipping gratuit sur Amazon.com. Mais là, c'est pas cher. Pourquoi on s'en commande pas? T'aimerais pas ça, boire dans un pénis? J'en ai toujours rêvé. Mais c'est difficile, les produits sur Amazon. J'en achète pas mal sur Amazon.com. Il y en a beaucoup qui se livrent pas au Canada. Oui, je sais. Malheureusement. Ça coûte plus cher que le prix de shipping ou de dédouanage. Ouais. Bon. Et j'ose pas cliquer sur ajouter sur mon cart parce qu'il va me dans mon panier parce qu'ils vont tout le temps me conseiller des affaires sexuelles dorénavant, si on le fait. Toujours, et toujours en forme de pénis. Toujours. Chaque affaire. Maintenant, c'est un collier très à la mode qui est aussi un vibrateur. C'est le Vesper. Un collier très, très trendy, très tendance. Donc, le collier donc rencontre l'objet sexuel. C'est un genre de bâton. Ça ressemble quasiment à un clou, mais sans le bout piquant, hein. Juste avec la tête et le reste du clou. Donc, c'est argenté, rose. Si on veut plaqué or, c'est très bling-bling. Très, très, très bling. On peut même le faire graver pour montrer vraiment à la personne que tu l'aimes. Et tout ça, ben, Colin, ça vibre. En fait, je disais que le bout n'était pas pointu. Il est quand même un petit peu pointu pour pouvoir se l'insérer. Là, tu vois qu'il est comme un petit peu conique à bout arrondi. Même s'il l'avait pas été. Il est pas très large. Non, là. Non. C'est tout minuscule. On le voit sur une poitrine, sur l'article. On le voit aussi à côté d'une prise USB pour voir qu'on peut le recharger par prise USB, bien sûr. On aime tous les popsicles. Qui n'aime pas ça? Je sais pas. Les fous? Le yaoub! On veut faire nos propres popsicles. C'est des Frio Pop Popsicle Making Bags. C'est pour faire des popsicles géants à la maison avec vos propres ingrédients meilleurs pour la santé, sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Tu ferais vraiment tes popsicles, toi? Ben, moi, non. OK, tu parlais pour les autres. C'est tout pour les autres. OK. Tout pour les autres. Donc, c'est des sacs jetables qui peuvent retenir 6 onces de fruits, de jus, de yogourt, de smoothie ou n'importe quoi d'autre qu'on veut faire en forme de popsicle. Donc, tu remplis, tu attaches le dessus et tu le congèles. Et voilà. Est-ce qu'on est encore dans la thématique kinky? J'avoue que je l'ai mis entre les deux, parce qu'on est vraiment entre les deux. OK, là... Si t'aimes le froid, est-ce qu'on passe à la bouffe après, c'est ça? Je me rappelle plus. Il me semble oui. que c'est ton genre. C'est ouais. ce qu'on fait, oui, c'est ça. D'accord. Parce que c'est pas toutes les semaines que j'y remets dans l'ordre, mais ouais. Parce que là, c'est de la bouffe en forme phallique, en forme phallique, mais géant. Fait que ça dépend de la slackicité de votre entre-genre féminin, d'accord? Ou l'arrière masculin. Oui, ben tout à fait. Tout oui, à fait. Sois pas... Rétrograde. Fermé d'esprit. Ouais, c'est ça. Si on veut. Non, tout à fait, je suis bien ouvert, malgré le fait que je suis pas si slack. Okay. Donc, on embarque dans un bloc nourriture après avoir visité les eaux entre les deux. On plonge. Mais les eaux internationales. Les eaux, c'est pas vraiment de l'eau, le liquide corporel, je te dirais. Ben non, tu penses que c'est fait avec quoi? Non, mais c'est pas. Ouais, mais ça peut. Ouais, mais je parlais de l'autre liquide, celui que tu. Oui, puis il est fait à quel pourcentage? Non, je sais bien, mais c'est pas littéralement. Mais c'est pas mal. Tu boiras pas avec le mettras pas dans. En tout cas, l'autre popsicle avait un gros blanc. Oui. Un gros blanc avec de la lime. Ça reste un petit kick, je trouve. Donc, bloc nourriture, on commence en parlant de tartes, mais en fait, c'est des pots de tartes. Ça s'appelle les jar pies. Les tartes en pot. Donc, c'est exactement ce que ça dit dans le titre, hein, Jar Pies. C'est des délicieuses portions de tarte à l'intérieur de pots. Disponibles en version Pacan, Monkey Madness, okay. Lemon Lust au citron, bien sûr, Flea Nut, qui est du brownie au fudge avec de la sauce au beurre d'arachide. Hot Fudge Toffee Crunch. Magnifique. Et bien sûr, aux pommes, tarte aux pommes. Ben oui, classique. T'as pas le choix de faire ça. Et ça vient même avec une cuillère. Oh, prêt à manger! Et c'est un beau petit pot, ça a l'air quand même petit, c'est 11 onces. 11 onces? Ça fait 1111. 11 onces. Ouais. Oh, c'était plate. Loz. Si tu mets les E comme des L. Maintenant, des bouteilles de condiments squeezables. On aime tous les bouteilles de ketchup, de relish, de moutarde, de squeezables. Ben oui. Mayonnaise depuis plus récemment quand même. Donc, on aime aussi, dans le fond, de pouvoir remplir ces bouteilles soi-même. Oui, tu peux l'acheter en plus gros format. Exact. Transvider ça dans l'autre. Donc, tu n'auras pas à être embarré dans seulement des bouteilles avec la marque ketchup Heinz dessus, tu sais, ou French's. Et des fois, ça peut faire des préjugés. Si jamais tu achètes une marque maison exact. Et que les gens sont comme « Tu n'as pas du ketchup Heinz? » et je te réponds « Ça goûte la même chose. » Hey, c'est faux! Ça goûte pas tous la même chose de Heinz et bébé. Non, ça goûte pas la même chose, mais honnêtement, pour le prix... Achète des bonnes saucisses, puis ça va goûter plus la saucisse que le ketchup. C'est ça. Ou si tu fais ton propre ketchup... Ben là, j'arrête là, parce que je sais que tu le feras pas. Non. Mais du ketchup aux fruits, c'est bon. Tu sais, le ketchup de grand-mère... C'est quoi ça veut dire ketchup dans le fond? C'est-tu genre de la purée de fruits, mais avec moins de sucre que c'est pas de la confiture? Peut-être, parce que je pense que le mot catsup, C-A-T-S-U-P, ça décrivait le ketchup aux fruits là, de grand-maman. Puis ensuite, ils se sont appropriés le nom pour faire Heinz. Si je me rappelle bien, là, on n'est pas dans cet effet, fait j'ai pas ma source. Mais il me semble que c'est à peu près ça. Mais bref, revenons à nos bouteilles à remplir. Soi-même, on pourrait mettre des condiments, de la vinaigrette, des sauces maison, des marinades, etc. De l'huile. De l'huile. Hein, juste, tu veux séparer ton huile. Tout à fait. Peu importe le niveau de fancitude que vous voulez, utilisez les Reusable Condiment Squeeze Bottles avec un design très simple qu'on peut dévisser et remettre dedans. Il y a même un bouchon pour sceller, donc rouge. Je les trouve très belles. C'est très joli. Puis ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas faites rondes, sont faites un peu allongées, donc ça se range vraiment bien. T'as beaucoup moins de perte d'espace qu'avec des bouteilles rondes. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est un très bon point. Et t'as vu aussi, c'est ça ce que je disais qui est personnalisable, c'est l'embout, tu peux le couper où tu veux pour avoir un plus petit ou un plus grand jet. Ah! Et ensuite, tu remets ton capuchon dessus. C'est bien ça. Est-ce que tu peux racheter des embouts séparément? Ça dit pas. D'après moi, peut-être qu'il va falloir que tu achètes une autre bouteille en tant que telle. Ouais. Sais-tu à quoi ça ressemble? À quoi donc? Les pots de colle à bois. Les pots de colle, le mélange que ça va faire, ça, quelqu'un va manger de la mayonnaise. Mais c'est ça. Va bricoler avec de la mayonnaise. C'est ça. Bricoler avec de la mayonnaise. Bref. peu importe. Maintenant, un bol avec une assiette détachable, ou encore une assiette avec un bol détachable, c'est comme vous le voulez. Donc, évidemment, quand t'es à un party, n'importe quoi comme ça, tu sais, un buffet, quelque chose, et là, tu veux avoir, je sais pas, des légumes avec, tu sais, peut-être une salade, mettons, avec de la vinaigrette, tu veux aussi avoir des petits sandwichs. Là, il faut que tu traînes ton bol, ton assiette en, tu sais, dans deux mains. Commence à te prendre ta coupe de vin, etc., etc. Donc, le bol a une poignée. Et on snap l'assiette en dessous du bol. Ah, moi, c'est mais ça prend de la place dans ton assiette. Moins de sandwich. Je peux pas la remplir à pleine capacité. Plus de service, plus de couvert. Faut peut-être plus souvent au buffet. C'est bien ça. Ça peut justement te permettre de moins manger. Le contrôle des portions, c'est toujours gagnant. Donc, c'est le Ripple Bowl. C'est 100 BPA. Ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle avec une poignée pratique et un bol détachable. Donc, le bol se barre et se débarre de l'assiette en tournant, faisant un petit twist. Et c'est fait de plastique ABS, le bol et l'assiette, disponible en 5 couleurs différentes. Prix 20$ pour un ou 35$ pour un emballage de deux. Je veux les couleurs, hein, toi aussi. C'est quand même dispendieux, je te dirais, là. C'est sûr, mais pour l'aspect pratique, le sandwich, ils lui ont même, je sais pas s'ils l'ont poussé contre le bol, mais on dirait qu'il est en forme de bol, le sandwich. On dirait qu'ils l'ont comme poussé pour qu'il prenne la forme. Je pense que c'est ça la twist à avoir pour pouvoir faire rentrer plus de choses dans ton assiette. C'est parce que le problème, c'est que si justement tu veux utiliser ça à un buffet, ça te prend beaucoup plus qu'un kit. Ouais. Honnêtement, ça m'en prendrait minimum 10. Imagines-tu le prix? Voyons donc. Aïe, aïe. Donc, deux Ripple de n'importe quelle couleur pour 35$ au lieu de 40$, comme j'avais dit. C'est disponible en blanc et avec une poignée verte. Bleu pour l'ensemble, noir pour l'ensemble avec une poignée verte. Un genre de vert lime pour l'ensemble, un rouge pour l'ensemble et un blanc. Celui-là, j'ai déjà dit, le blanc avec la poignée verte. Il y a donc 5 modèles de couleurs. Les couleurs sont belles. Très tendance, voilà. Et on reste dans le domaine des bols. Celui-là, c'est le One Bowl. Donc, évidemment, notre diète, en tout cas, moi, ma diète en tant que célibataire en ce moment, c'est nouilles, céréales, trucs comme ça, tu sais. Mais il faut trouver une façon de cuisiner facilement. Tu sais, quand t'es paresseux, il faut que tu trouves une manière facile de cuisiner. Ben oui. Donc, le One Bowl, c'est parfait pour la personne paresseuse. Vous pouvez faire cuire, enlever l'eau de vos pâtes, manger et mettre dans le réfrigérateur. Tout ça dans le même bol. Là. Tu me dirais, ouais, mais Tupperware fait la même chose depuis 30 ans, quelque chose comme ça. Oui, probablement. Non, depuis 65. 65. Donc, le One Bowl a un capuchon, un couvercle qui se snap. Il y a le truc pour égoutter les pâtes inclus à l'intérieur qui s'active quand tu tournes la poignée. Hein? Donc, tu peux facilement drainer en minimisant le nombre d'ustensiles à utiliser, etc. etc. Tu peux aussi le défaire en morceaux pour le nettoyer. Ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle, variété d'utilisation différente. Et donc, ça coûte 20$ sur Kickstarter en ce moment. C'est bien. Les trucs d'énergie, c'est bien le fun, les petites boissons d'énergie, les pilules d'énergie, les trucs comme ça, les barres tangs, je pense, d'énergie qu'il y a. Il y a même des gommes. Des gommes d'énergie, incroyable. Mais est-ce que tu avais déjà vu des jelly beans d'énergie? Pas de jelly beans. J'ai déjà vu des jujubes, par contre. OK. Mais pas de jelly beans. C'est des jelly beans en forme de jelly bean, la petite courbe bien caractéristique. Oh non, c'est des vrais jelly beans. Par la marque Jelly Belly. Oh! T'as vu? Dans le coin, il y a Jelly Belly. Oh, d'accord. C'est les Jelly Belly Sport Beans Quick Energy for Sports Performance. Voilà, c'est super. Donc, c'est du jus de canne patente là, qui remplace le sucre là-dedans. Donc, c'est sûrement pas des affaires très, très bonnes pour la santé. Ben, en fait, ça me semble être plus comme, pas une boisson énergisante, mais ça me semble être plus un concentré de boisson pour sportifs. D'électrolytes, comme des Gatorade. Là, ouais, c'est des glucides, des vitamines, des électrolytes. Donc, ça me semble pas être rempli de caféine. OK. Donc, ça me semble être vraiment quelque chose pour quelqu'un qui fait du sport. OK, donc c'est pas pour te donner de l'énergie, mais plus... Ben, en fait, c'est ça dit quick energy. Donc, ça doit te donner un petit boost, mais pas comme une boisson. Des glucides, ça donne de l'énergie quand tu t'entraînes. Okay. Mais la caféine, c'est totalement différent, là. OK. Et les saveurs sont assorties les couleurs viennent de sources naturelles. Donc, bon... Il a l'air d'avoir pas mal plus d'avantages qu'il y a des avantages à ça, de la façon que tu en parles. Donc, c'est les Sport Beans Quick Energy de Jelly Belly. La différence, c'est que ça va pas t'hydrater. Ah ah! Il faut quand même boire, hein? Mais avec les électrolytes, ça va t'aider à conserver ton eau. Mais quand tu la bois. Ça t'hydrate pas. Exact. On reste dans le domaine culinaire avec de la pâte à gâteau en canne. Ouais. Oh. Ça a l'air bizarre un peu, hein? Donc, même les recettes les plus simples de gâteaux demandent beaucoup de travail. Même les mélanges préfets de gâteaux demandent à mélanger de l'eau et un œuf. Ah, c'est horrible. C'est bien ça. Donc, comment remplacer tout ça par quelque chose de simple? C'est en squirtant la pâte directement d'une canne, directement dans votre truc pour faire cuire ça au four. On dirait une grosse tranche de pain. Oui, mais la texture est aussi spongieuse qu'un vrai gâteau. Et le gaz va se dissiper quand tu vas avoir terminé la cuisson, donc ça devrait être, c'est pas toxique à manger. Donc le bassin, c'est sûr, évidemment. Donc le Spray Cake est une création d'un étudiant de Harvard, John McCallum. Il a déjà trouvé une chaîne de distribution. Présentement, il cherche quelqu'un pour fabriquer le produit, la canne en tant que telle et le truc. Ah ben, Colin! Étrange, hein? Mais les gens, ils ont fait des tests de goût et apparemment que c'est très, très bon. Bon. Ouais, mais les gâteaux en boîte, c'est très, très bon. Je sais pas, jamais... T'as jamais fait de gâteau en boîte, non? J'en ai jamais fait, j'en ai peut-être goûté sans le savoir. Goûté sans le savoir, à Canal Vie! Plus besoin d'attendre quand tu sors ton beurre du réfrigérateur. Tu peux maintenant le beurrer directement. On a déjà parlé plusieurs fois, tu vas me dire, tu l'as déjà fait, comme la plupart des affaires que tu fais dans la vie, tu l'as déjà fait. Mais celui-là, il est différent. Je sais même pas de quoi tu parles. Des couteaux qui vont chauffer ton beurre pour le tartiner. Ah? C'est vrai. Donc, c'est ça, c'est un gadget de cuisine high-tech qui n'utilise aucune électricité comparée aux autres modèles dont on a parlé dans le passé. Ça utilise un revêtement de titane non toxique, bien sûr, pour conduire la chaleur de votre main à la lame, vous permettant de couper dans votre beurre froid. C'est pas magnifique, ça? Sur usefulthings.com, on peut se rendre là tout de suite pour acheter le couteau qui s'appelle Spread That, tartine-moi ça, pour 20$. Et si le beurre n'est pas assez excitant pour vous, ils ont aussi un produit similaire pour la crème glacée. Mais là, j'en veux un. Moi, j'en veux deux. Encore, je gagne tout le temps. Okay. J'en veux deux. On reste dans la nourriture avec des pailles maintenant. On va boire un petit peu. Quand on boit avec une paille, on sait qu'on peut faire des bulles. Ça va? Quand tu souffles dans ta paille, tu as des bulles dans le verre. Oui, quand tu aspires, tu peux boire. Tu peux boire, mais s'il y avait un entre-deux, si on veut. Mais en fait, c'est pas vraiment un entre-deux parce que c'est pas mal plus du côté à suction. Mais quand tu vas aspirer ta boisson, tu peux faire des bruits de sifflet. Ah, c'est agréable. Avec le Fred and Friends Slide Whistle Straws. Quand je bois le fond de mon verre puis ça fait... Tout le monde me traite d'impoli puis là, je vais siffler en plus. Bah, moi, je trouve que ça a l'air plaisant peut-être une fois. Une fois. Une gorgée. Ouais. Mais c'est joli, ça a l'aspect des pailles traditionnelles lignées blanches et rouges avec un petit sifflet au bout. C'est ça donc ça dit, à chaque fois que tu prends une gorgée, donc j'imagine que c'est comme un sifflet inversé parce que l'habitude d'un sifflet, tu souffles dedans. Hein? C'est d'où le nom sifflet, j'imagine. Ouais. T'sais? Mais bon, lui, c'est le contraire. Bref, c'est cool. Ouais, il y a un commentaire en dessous, c'est non merci. T'aimes boire du café? Bien sûr. Moi aussi. On pourrait, quand tu vas, mettons, chercher des verres, mettons, du café pour des amis, tu voudrais pouvoir les clipper ensemble. Clipper ensemble. Pour les traîner facilement. Ben oui. Au lieu de se faire demander, venez-vous un cabaret de transport? Hey, snapper ensemble, dude. Donc, c'est ça, boire du café à plusieurs. C'est les Link Mugs qui ressemblent à des tasses de céramique bien normales, même plates parce qu'il n'y a aucun design dessus. Sauf qu'il y a une protrusion. Ça se dit, ça? Une perdeur. Un truc qui sort sur le côté. OK. Et si on regarde de l'autre côté, il y a la même forme, mais à l'intérieur de la tasse, d'accord? Donc, on peut les imbriquer les unes dans les autres pour transporter plusieurs en même temps. J'imagine que ça n'a pas comme clipsé à être super solide, mais ça te permet d'accoter, de transporter quand même aisément. Si t'en as trois, mettons, là, ou quatre... Tu pourrais les coller ensemble et réussir à peut-être les amener, mais tu vas sûrement les échapper. Ah, parce c'est dangereux, c'est dangereux. Tu les tiens ensemble. Si tu les attaches ensemble, tu prends les deux extrémités, tu tiens vers le milieu et soudainement, tout va bien. Ben oui, ouais. Ben oui. Ah, cool. C'est parfait. Et ça coûte 45$ sur Internet. Pour combien de tasses? Ben, s'ils ne précisent pas, d'après moi, je crois que c'est... Non, c'est les trois tasses en même temps pour 45$. Oh! Ils appellent ça le Link Mug, les Link Mugs, 3 Connecting Cups Coffee Tea Party Serving Set. Ah, donc, ça, on peut mettre cool. du thé dedans. Wow. Est-ce qu'on peut mettre du chocolat chaud? Non, ça n'a pas précisé dans le titre. Ah, merde! Tu veux te réveiller le matin en ayant ton café? Moi, je pense que je l'ai jamais fait encore parce que je suis trop paresseux pour le faire. Excuse-moi, j'ai vu la pub tantôt. Je fais comme, oh mon Dieu, j'aimerais qu'on en parle. Et on en parle. On en parle. Je suis un devin. Mais tu veux te réveiller avec ton café prêt à être bu. Tu sais, comme mettons, je pourrais le soir préparer mon café, l'eau dedans, et dire qu'à 8h, je veux qu'il soit prêt, et ça va me réveiller. L'odeur va être parfaite. Ça va me réveiller de bonne humeur, en théorie. Hein? Avec l'odeur de café. Avec l'odeur du café. Mais ça va être dans la cuisine. Fait que là, il faut que tu te lèves pour aller le chercher. Ah. Que dirais-tu de boire ton café dans ton lit direct? OK. Que oui. C'est le Barissière Coffee Maker Alarm Clock. Donc, on va tous dépendre café matinal pour débarrer la journée. Donc, Josh Renouf capitalise sur son addiction, le fait qu'il est accro au café avec le barissière. C'est une alarme qui vous incite à vous lever avec l'odeur du café directement à côté du lit. Donc, ça fait bouillir l'eau. Ça va la faire monter dans un Erlen Meyer. Oh! Erlen Meyer. J'aime ça, ce mot-là. C'est un très bon mot. Et ça va le verser à travers un filtre, etc. Ça va te faire un bon café. Et ça va rajouter du lait tout seul aussi. Il y a un sous-verre qu'on peut enlever. Ça peut rajouter du sucre. Ça peut faire toute l'affaire. Et toi, tu restes au lit et dans ta tasse. C'est génial. Puis en plus, on dirait que t'es plus comme scientifique, là, parce que c'est... Tu sais, c'est pas comme une machine à café standard. On dirait que t'es un scientifique là, qui fait des expériences. Parce que tu peux installer ta machine à café dans ta chambre à coucher. Tu peux faire ça. C'est vrai possible. Que tu peux. Moi, j'ai une machine qui fait une tasse à la fois, mais pas une Keurig. Mais tu sais, juste du vrai café moulu dans une tasse directe. Uh-huh. Et ça te splash par en avant, ça, quand ça fait du café. Oh! J'en ai plein sur mon plancher. Fait que je le lavais, je pourrais m'en splasher dans la face. Mais tu pourrais te réveiller avec du café bouillant en face. Une brûlure matinale. Assemblage requis, votre brûlure matinale. Ça pourrait être le slogan pour ça. Mais ça, oui. Ouais. Mais c'est-tu le fun? On reste dans les boissons, en fait, avec les bouteilles Stash Bottle, Hydro Pack Stash Bottle, en fait, on va dire à l'endroit, Hydro Pack Stash Bottle. Quand tu transportes ta bouteille, à un moment donné, elle est vide. Oui, ça arrive. Ça arrive fréquemment et tu peux plus la remplir ou encore tu n'as plus soif, mais là, ça prend de la place dans ton sac, tu sais. Bon. Ah, quelle horreur. Tu fais les crapoutes comme un plat Tupperware ou autre, les crapoutes sur elle-même pour qu'elle rentre. Seulement le bouchon, on dirait que tu as seulement le bouchon. Là, tu me mets dans ta poche de pantalon ou de shorts. Mais ça existe déjà? Ben, je savais pas. Mais moi, je n'avais pas vu ça. Mais il y en a des molles, en fait, que tu peux juste comme rouler. Non, mais ça, ce ne sont pas molles, eux autres. Ben oui, mais tu peux les crapauds. Ben, tu peux... Ben, ouais, ben, moi. Ils ont l'air d'avoir une forme solide quand tu bois, hein? N'est-ce pas? Sur la photo? Non? Non. Non, non, non. Regarde, tu vois, celle de droite, complètement, elle a comme des petites lignes de pliage, là. Ouais. Donc, c'est mou. Ouais. Je pense que t'as raison. Donc, c'est fait de polyuréthane thermoplastique. Truc. Donc, c'est ça. Ça se s'écapoute en moins de 2 pouces de hauteur. Il y a une variété de couleurs. Ça va au lave-vaisselle. Il y a un antimicrobe dedans. Tu peux mettre jusqu'à 750 ml de liquide. 18 $. Et on va dire les vraies choses sont beaucoup plus belles que toutes celles que j'ai vues. Ah bon, quand même. Ils sont pas plus chers. Je trouve pas de vidéo pour voir comment ça se s'écapoute. Ben, probablement que tu pèses dessus. Ça doit clipser avec le fond. Ça se peut-tu? Ça se peut très bien. Ouais, oui, si tu regardes la bouteille de gauche, tu vois, il y a un petit fond en plastique. Okay. Donc, ça doit vraiment juste écrapour et tu peux clipser. Merveilleux. Merveilleux. Les fleurs sont belles. Hydrapack.com. Votre dîner au travail, des fois, vous l'amenez peut-être dans un sac brun. Là, vous gaspillez du papier. Vous l'amenez peut-être dans un sac à lunch normal, mais là, il faut que vous sortiez les affaires du sac à lunch. Puis... Ah, c'est compliqué. C'est long. Ben, c'est ça, l'affaire. Donc, à la place, c'est... un peu. Je vais trouver le nom. Complete Food Bag, c'est le nom. Donc, c'est un sac pour la nourriture qui est fait à 100% de trucs sans toxique. C'est pas rien de toxique, pas de BPA, rien là-dedans. Ça ressemble à un sac de papier, mais en matériaux plus plastiques. Il y a un snap pour le fermer. Ça mesure 5,9 par 3,35 par 7 pouces de dimension, bien sûr. La hauteur est de 5,7 lorsque vous le roulez, que vous le fermez. Et étant donné que c'est en silicone, vous pouvez mettre votre sac, vous pouvez mettre votre bouffe directement dans le sac. Manges ça direct dans le sac? Directement dans le sac. Tu peux même passer ton sac au micro-ondes lorsqu'il est ouvert. Tu peux même le passer au lave-vaisselle parce qu'il va être sale éventuellement. C'est sûr, à tous les jours, lave-vaisselle, c'est une bonne idée. Hey, c'est clair, ça va faire parler les gens, ça. C'est cool, pour vrai. C'est vraiment très, très cool. C'est le Complete Food Bag, Complete comme dans manger, le Complete EAT. Le problème, c'est que tu peux pas amener d'autres choses dans ta boîte à lunch. Non, si tu verses les parts directement dans le sac comme la fille fait dans l'image, je pense pas. Non. C'est 12h95 de chez The Grommet aux États-Unis. C'est disponible en bleu, gris, vert, lavande et rouge. Les couleurs sont belles. Vraiment, là. Ça, j'en veux plein. Super fun. De la crème glacée qui change de couleur maintenant. Hein? Selon ton humeur. pas nécessairement selon ton humeur. Donc, un physicien espagnol et un chef, Manuel Linares, ont développé Chameleon, mais avec un X au début. C'est de l'espagnol pour caméléon, incroyablement. Non, c'est de la crème glacée qui change de couleur quand on la lèche. Ah, avec la température, j'imagine. C'est exact. Donc, ça va commencer un genre de bleu, comme l'émission de Simon Fédibé les dimanches soirs. Ensuite, ça va devenir mauve et éventuellement rose plus tu la manges. Donc, qu'est-ce qui fait que ça change? Le gars, ben c'est ça. Là, on a comme théorie que c'est la température. C'est sûr que c'est en rapport avec la température. Ça a comme vraiment pas le choix, je pense. Il me semble. Ben, j'imagine. C'est sûr que ce soit d'autre. Une réaction chimique avec la bave. Le mouvement, peut-être. Le mouvement des molécules dans la... Je sais pas. C'est sûrement la température. Ouais. Donc, c'est ça. Ils disent pas pourquoi ça fait ça. Mais il peut pas révéler son secret. C'est ça. Exactement. On sait pas comment ça goûte, à quoi ça goûte, de quoi ça en retourne. Je suis sûr que ça goûte la gomme ballon. Peut-être. Hein. Ça ressemble à ça. Bref, c'est de la crème glacée qui change de couleur. Ensuite, c'est des trucs pour découper les biscuits, mais en forme d'humain et en forme d'humain qu'on peut positionner de différentes façons. Tu sais, un bonhomme pain d'épices, ça va avoir les bras des airs, les pieds. Ouais. Tout assez la même standard. Position. Pas mal. Ici, c'est des bras détachables qu'on peut vraiment mettre à angle, des bras et des jambes détachables. Et après ça fait des pains d'épices qui font du gym, qui font une split, des trucs comme ça. Tu pourrais faire un bébé luxonné. Tu peux faire ça. Donc, ça coûte 20$. C'est les J Disco Biscuits Posable Cookie Cutters. Donc, on peut faire des centaines et des centaines de formes. Bien sûr. Ben là, des centaines et des centaines. Ben avec le nombre d'affaires qu'il y a, je pense que mathématiquement parlant, il y a sûrement une bonne centaine. Tant là, que non? Ça? Je sais pas. OK. C'est exponentiel, ces affaires-là. Il faut que tu sois bon pour décorer tes biscuits, par exemple, sinon ils ont juste l'air comme croche. Moi, je sais qu'il y aurait juste l'air croche. J'ai aucun talent artistique. Il faut que tu leur donnes le bon habit. Tu sais, là, il y a une ballerine, elle fait du ballerina. Hein? C'est ça. C'est pas du ballerinage. Comme les missionnaires font du missionnage. Du pèlerinage. Ça doit être ça. Missionnage. Du ballerinage, comme du pèlerinage, j'aime ça. Un kit maintenant pour se battre dans le gelo. Oh! Vivez vos rêves, vos fantasmes de lutte. Ah, tu parles de toi, là? Ben oui. De femmes en petits habits très peu couvrants, si on veut. Avec ce kit à 119$. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire de la bataille dans le gelo dans une piscine. Donc, ça inclut la poudre. C'est un sac qui fait 100 gallons de gelo. En achetant de l'eau. Pas besoin de réfrigération, pas besoin de faire bouillir. Donc, c'est vraiment, ça fait directement le gelo, pas à faire le processus gelo normal, tu comprends? Et le produit ne va pas fondre à température chaude. C'est non collant, non tachant. On peut facilement le jeter après l'événement et c'est 100% non toxique et biodégradable. Est-ce que ça vient avec la piscine? Non, je crois pas, non. Non, malheureusement. Tellement facile à utiliser, par contre, vous versez des cristaux dans une piscine gonflable, vous ajoutez 100 gallons d'eau par sac de cristaux et vous attendez que le produit prenne. C'est disponible en rouge, orange et vert. Ça dit pas à saveur de rouge, orange et vert comme les Jell-O? Peut-être que ça se mange pas. Peut-être pas, moi je pense pas. Plus d'infos sur JelloWrestlingSupply.com. Ah, c'est marqué juste après, n'est pas fait pour être consommé, on a notre réponse instantanée. Voilà! Quand vous êtes sur le divan et que vous voulez boire une bière... Ça arrive souvent. Vous dites « Ma femme, bière et sandwich ». Tu peux faire ça. Là, tu retournes dans les années 50 en faisant ça. Mais, ouais. Mais tu peux aussi te l'ouvrir toi-même, ta maudite bière, avec ta télécommande. Ah, mais il faut quand même t'aller la chercher. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'amène une bière à mon chum, je la débouche. Parce que t'es une femme, comment dire... Soumise. Pas en tout. Serviable. D'accord. Ben, généreuse de ta personne. Donc, si t'as un petit réfrigérateur à côté de ton divan, comme tu devrais. Hey, donne pas d'idée à mon chum. Pourtant. Donc, il va pouvoir prendre sa bouteille et prendre sa télécommande. Télécommande qui a une ouvre-bouteille intégrée sur le côté. Et on ouvre la bouteille. Voilà. 20$. Mais ce qui est plate, c'est que on a déjà une télécommande. Oui. Tu sais, qui vient avec le décodeur. Ben, c'est une télécommande universelle. Tu vas pouvoir la programmer avec toutes tes affaires. Avec le décodeur? Peut-être pas. Mais t'as pas toutes les fonctions décodeur? Non, il y a ça. Ouais. Tu peux faire ça, regarde tout le temps les mêmes émissions de Gordon Sinon, Ramsay. Moi, j'ai pas de trop. Je sais pas. Sinon, j'ai souvent vu, il y a des bagues. Genre quand même masculine, oui. Puis tu peux juste déboucher ta bière avec. Et comme avec on dit, l'affaire est dans le sac, hein? It's in the bag. On reste dans la nourriture avec des choses qu'on peut manger, bien sûr. Ici, c'est des blocs Lego en chocolat. Fantastique. Ça veut dire que tu peux faire des petites maisons puis manger à petite maison. Et voilà. Oh! C'est créé par Akihiro Mizuchi, un designer et illustrateur. C'est complètement fonctionnel, donc on peut vraiment construire sa petite maison, comme tu l'as dit. Oh! Vos rêves deviennent réalité avec vos blocs Lego mangeables. Difficile à digérer, probablement. Pourquoi? À cause des embouts. Non, je sais pas. Parce que ça va tout le temps se reformer dans mon corps. Mais ça va fondre. Ça va refaire une maison dans mon corps. Hein? Mais faut se laver à tour. Oh, il y a un petit nounours. Il est vraiment beau. Sinon, une pizza de chocolat. Hein? Oh, tu sais, chez... J'ai faim, là. Mais moi aussi, vraiment. Peux-tu comme arrêter ça? Non. C'est le bloc thématique. Tu sais, chez Pizza Hut, pour pas le mentionner, il y avait une pizza dessert à un moment donné. Aux États-Unis, il y avait eu ça, il me semble, quelque part. C'était donc une pizza avec de la pâte puis de la sauce au chocolat dessus pour remplacer les ingrédients. Ici, c'est une pizza d'échantillonnage de chocolat. Ah. Donc, on met ça à 360 degrés au four. Ça va faire 8 pointes parfaitement tranchées avec chaque type de chocolat qu'on pourrait potentiellement vouloir pour $31.96 sur firebox.com. Ça s'appelle la Chocolate Pizza. Donc, une pizza très, très fancy. On dit deux variétés avec différentes garnitures dessus. C'est ça, une pizza faite en chocolat. Ben, wow! Le quoi cadeau parfait. De, quoi dire de plus? Rien! Il y a des, il y a même des copeaux de chocolat. Y a-t-il un livreur en chocolat qui avait? Je sais pas. Ça me rappelle les publicités de Axe au chocolat, qui avait un petit bonhomme en chocolat qui marchait. Ça va-tu? Je sais pas. C'est drôle, ça. Axe au chocolat? Ouais. T'as tombé sur le cœur, genre? Je sais pas. Et maintenant, tu sais, pour terminer, allons-y avec celui-là. Je pense que je te l'ai gardé pour lui, pour toi, celui-là. C'est un système d'injection de banane pour faire une banane avec un centre au chocolat ou aux fraises. Voyons donc. Il n'y a pas vraiment de description sur le site. J'imagine qu'il y en a sur le lien en source. Là. Mais c'est le Destapa Banana. C'est la première banane remplissable dans son emballage d'origine. Donc, une vraie banane. T'as pas acheté. C'est pas une banane qui vient avec le kit. Donc, la banane avec 1000 saveurs potentielles. Ici, on montre du chocolat. On montre une crème de fraise. C'est quoi je mettrais dedans, moi? De l'érable. Non. Les chocolats favoris. Les fondus chocolat favoris. Oui! Tu mettrais tes favoris dedans. Tu stuffes ça là-dedans. Oui. Là. Tu sais, le dolce de leche, là. Sur ton chandail, t'as des nerds en ce moment? Des nerds dans le chocolat? Ah, oh, ben les, oui. Les petits bonbons, là, pour ceux qui comprennent pas. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas une photo de Mathieu sur mon chandail. Ça serait vraiment bizarre. C'est un petit peu, hein. On dit qu'on se déteste depuis le début, puis finalement, t'as mon chandail. Je sais pas, ça se vendrait pas, un hein, chandail de Mathieu Pan. Je sais pas. Je suis pas sûr. Donc, c'est ça, c'est un kit pour vraiment insérer à l'intérieur de votre stuffer. Banane. Stuffer. De la garniture de saveur. Voilà. Wow. C'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a pour l'instant. Plus de gadgets la semaine prochaine. Je veux une banane. Je veux une banane. Avec du chocolat. Ah, pour vrai, le chocolat barre de pin dans une banane, c'est la meilleure combinaison du monde. Ben oui. As-tu goûté la crème glacée chocolat, banane, barre de peanut? Non. À qui? Je me rappelle plus, mais il y avait ça l'autre fois. Où ça? À l'épicerie? Ouais. Non? Ouais. Ah ben là. C'est débile. Oh. Mais pour l'instant, nous, c'est tout pour cette édition d'assemblage. Pas d'assemblage requis, mais pour Sex, mais ça devrait répondre là. On a une troisième heure d'assemblage requis qui s'en vient, ne vous en faites pas avec ça. Il nous reste la bouffe et la malbouffe de la semaine. Ouais. Une chance. Une chance. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? On parle de bouffe depuis tantôt. Tant qu'à faire des collègues du Nord, on fait toute la dernière heure là-dessus. On déteste cette bouffe? Je sais pas. On a tellement fait ça vite la semaine passée. C'est vrai qu'on a fait ça quickie. En tout cas, on revient dans 2 minutes. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à l'assemblage requis pour la semaine du 11 août 2014. Mathieu Plante au contrôle. Et Stéphanie Paradis qui suit comme un mouton. dans cette dernière heure, on va faire la bouffe et les malbouffes de la semaine. On a faim. Ah oui. Depuis le début de l'émission. Exactement. Depuis le début des temps. Depuis que monde est monde qu'on attend de manger cette chronique-là. Ouais. Croquez-moi ouais. Cette chronique. On va espérer que ça va être bon. Ben sinon, on va passer beaucoup de temps sur quelque chose qu'on n'aime pas. Hein? On fait ça des fois, ça arrive. Mais avant ça, on écoute Pif Paf Hangover. Parlant de boire des choses, Pif Paf Hangover, on peut-être le lendemain de veille, peut-être, je sais pas. Oui, si jamais ce qu'on a acheté a fermenté. Oh, indice, n'est-ce pas? Non, pas tout. Non? OK, bon. Ben. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Clap, clap. Clap, clap. Clap. On va pas gâcher la toune non plus. She's on the state line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you. you in a space and time. She says she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in a space and time. She's on the same line. She says she ain't mine. I'll meet you in a space and time. De Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. C'est la bouffe de la semaine! Que oui! Stéphanie Paradis! Hey, aujourd'hui, ben, c'est toi qui m'as inspiré. OK. Fait que j'ai acheté de la merde. Que j'ai fait? Non, j'ai acheté. Je me fais un petit spécial fruits exotiques. OK. Puis c'est quand même des trucs, probablement, en tout cas, un sur deux que les gens connaissent. Mmh. Mais est-ce qu'on en a déjà mangé des frais? Personnellement, non. J'ai honte. Donc, je commence aujourd'hui avec un fruit de la passion. Ah. Donc, on a déjà vu ça un peu partout. Dans les jus, il y en a beaucoup, des fruits de la passion. On aime ça, ce goût-là. C'est à la mode, le fruit de la passion. Mais c'est toujours mélangé avec autre chose. Donc, je me demandais, qu'est-ce que ça goûte, un fruit de la passion? Déjà, premièrement, on pourrait décrire de quoi ça a l'air. Là, il est emballé dans un petit saran wrap. Ça pousse pas comme ça. Mais c'est ça pousse pas dans le saran wrap. Donc, c'est un fruit. C'est pas beau, hein? On se le cachera pas. C'est comme une petite crotte noire. Oui. Ça rentre bien dans la paume de la main. Je dirais que c'est un peu plus petit qu'une balle de tennis. Mm-hmm. Ça doit dépendre... De la balle de tennis. Fruit. Non, mais... Non, la balle de tennis, c'est assez standard. Pas mal. Je te dirais que le fruit peut varier un peu de grosseur. Le fruit que j'ai apporté est un peu plus petit qu'une balle de tennis. Mais plus gros qu'un testicule. Oui. Oui, je peux te le confirmer. Avec ou sans scrotum? Je sais pas où ça sort, ça. Ça dépend de la grandeur de la balle de tennis. Ouais. Et je savais pas, en fait, quand je suis allée choisir mon fruit, je savais pas à quoi ça devait ressembler mûr. Ah. Donc, tu sais, on est habitué de choisir une pomme, une mangue, un avocat. Mm-hmm. Même les avocats, je pense que c'est pas tout le monde qui serait capable de dire quand est-ce qu'il est mûr. Mais là, fruit de la passion, en fait, il y en avait comme deux types. Il y en avait vraiment deux, tu cognais dessus, puis ça. Tu sais, c'était solide, ouais. Là. Ben, je me suis dit, mon Dieu, mon couteau passera jamais à travers. Et il y en avait d'un petit peu ridé. Ah. Puis il était comme plus molle. Je me suis dit, crime, ça doit être ça quand c'est mûr. Fait que je vais en prendre une molle. Pareil comme un testicule. Non, là, j'arrête. Fait qu'au moins, je vais être capable de manger l'intérieur. Je vais être capable de le couper. Est-ce que tu veux cogner-tu dans le micro magique pour le fun? Sur le. Là, il est mou, tu disais, genre? Oui, il est mou. OK, on va savoir, tu sais. On le sent, là. On le sent. Hein? Ouais. Mais là, j'ai quand même frappé sur la portion la plus solide. Je voulais pas le défoncer non plus. Et là, moi, je suis allée m'informer. On s'entend, il n'y a pas beaucoup d'informations décrites sur les fruits. Donc, je suis allée m'informer un peu sur Internet. Et quand on tape « Fruit de la passion », bien, ça ramène sur la page Wikipédia de la grenadille. Ah ben, voyons. Donc, c'est de la même famille. Donc, on a les deux. Donc, on a la grenadille qui est jaune et le fruit de la passion qui est brun assez foncé. Hein? On se le cachera pas. Il y a même une photo de l'intérieur. C'est un peu décevant. On va en reparler tantôt. Donc, on nous dit que la grenadille est une plante grimpante de la famille des passiflores, originaire du Paraguay, Brésil et nord-est de l'Argentine. Donc, elle est cultivée pour ses fruits comme la vigne, sur des échalas et des fils de fer dans les régions chaudes. C'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus. Sinon, pour les valeurs nutritives, je suis allée sur le site de Harmonie Santé. Tu peux retrouver pas mal de toutes les informations nutritionnelles sur pas mal tous les produits, je te dirais. Donc, c'est très pratique, surtout pour les fruits et légumes, qu'on n'a pas nécessairement l'information, si ça nous intéresse. J'ai cherché en termes de tasse, parce que j'ai l'impression que le gramme était bogué pour la grenadille. Donc, ça me donnait seulement la valeur pour un gramme, ce qui donne absolument rien. Donc, si on mange une tasse... Donc là, on n'a même pas une tasse. D'après moi, on a à peu près, gros maximum, un quart de tasse de chair mangeable là-dedans. Donc si on regarde pour une tasse au complet, c'est 242 calories. J'aurais peut-être pu chercher avec un autre fruit pour comparer. Parce que j'imagine que toi, si je te dis 242 calories pour une tasse de fruits, ça ne doit pas te dire grand-chose. Absolument rien. Ça se peut-tu. Donc, quel fruit serait pour toi une bonne référence? Ça, petit, j'irais... Peut-être avec une pomme, c'est assez standard. Une pomme, c'est standard, ouais. C'est la grandeur de trois pommes, si on compare. Ouais, c'est pommes. Ça. Ouais. Donc, je vais y aller avec la pomme. Donc, si ça peut se rendre, ça serait génial. Est-ce que t'as une sorte de pomme qui t'intéresse plus que d'autres? Non. Rapidement, comme ça, je pourrais même pas t'en nommer une. Donc là, ça me sort juste pomme de terre. OK, pomme. OK, j'ai juste pomme. OK, okay? Juste une pomme. Donc, juste pomme. Et on va chercher pour une tasse. Sinon, on va te répondre un pain blanc enrichi, tu sais, un pomme. Là, tu me donnes un pomme. Hein? Un pain pomme. Donc, on a pomme crue avec pelure. Pour une tasse, c'est 60 calories. OK. Donc, c'est très calorique. Ben oui. Le fruit de la passion. Hyper. Hyper hein? Calorique. Sinon, il y a 2 grammes de gras. La pomme, il n'y en a pas. Sinon, le reste, il y a l'air d'avoir beaucoup de potassium, 868 mg de potassium, contrairement à la pomme qui en a seulement 124. Mm. Donc, si on a besoin de potassium, ça peut être très intéressant. Et à l'intérieur, il y a, mon Dieu, quand même beaucoup de vitamine A, de vitamine C. Justement, je pense que c'est écrit dessus. Non, c'était pas là-dessus. Ben, c'est juste écrit Caribbean Exotics, Product of Colombia, produit de Colombie. Oui. Et c'est toutes les informations que j'ai. Oui. Et on va pouvoir déterminer nous-mêmes l'indice de bonheur en bouche plus tard. Oui, c'est ça. Donc ça, on n'a pas ça sur le site Internet. J'enlève-tu Sarah Nrad dans le micro magique en plus de couper le... Est-ce que t'as enlevé l'autocollant, Steph, sans nous faire entendre le non, son non, on s'en fout de l'autocollant? Comment? Et complétisme, Steph. Micro magique, à vous l'honneur de recevoir le Saran en pleine face. Je trouve pas le bout. C'est tout le temps de même, hein? Ah, voilà. On le met à nu. On dirait vraiment genre un Timbit géant au chocolat. C'est pareil, pareil. Wow. Mais non, le Timbit au chocolat, il est glacé. T'as bien raison. Donc, est-ce que ça sent quelque chose? Mm-hmm. Tu peux-tu fermer le micro? Oui, ça, c'est fait, c'est fait. Ouais, c'est... Ça sent la pelure de pomme. OK. Ça sent légèrement sucré. Tu trouves pas qu'il y a des petits reflets verdâtres? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ben, par spot, hein, c'est vraiment pas partout. Parcimonie. Par-ci, par-là. Mm-hmm. Parcimonie. Et c'est ça. Écoute, c'est plate, on n'a pas de cuillère pour le manger. Oui. Fait que on va y aller à même la bouche, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai emmené on est rendu proche, hein? J'ai emmené mon petit couteau en céramique Ricardo. Hein? Arrête donc, en céramique. Ah, ça coupe tellement bien. Donc, je vais y aller. Je vais couper en deux. Okay. Je vais mettre ça sur le saran wrap pour pas... En passant, la pelure, ça mange pas. OK. C'est bon à savoir en ça. En tout cas, ça a pas l'air. Une chance que tu fais tes recherches, hein? Sinon, on aurait mangé ça puis on serait jamais revenu. On serait mort. Donc, Micro Magique va encore se faire aller la bête pour couper un fruit de la passion. Il se regarde pendant 2 minutes. Il tombe en amour. C'est ce papier sablé. C'est assez dur. C'est super. Et là, on se rappelle qu'on coupe sur du plastique, donc le son ne sera pas pareil chez vous. Oh! Oh, c'est beau! C'est bizarre, hein? Décrivons l'intérieur. T'as dit tantôt que c'était décevant quand t'as cherché les images de l'intérieur parce que t'avais jamais vraiment vu l'intérieur. Là. T'as pas le droit de toucher à un produit que tu goûtes, bien sûr. Écoute, je vais te donner ta moitié pour que tu puisses quand même sentir, toucher et... Merci. Et autre. Oh! C'est gélatineux pas mal à l'intérieur, tout ça. Écoute, ça sent... Ça sent bon. Ça sent pêche un peu, non? Ben... La pêche, je trouve, ça me rappelle la pêche. Non, je... Nectarine. Qui est ouais. Une sorte de pêche. C'est ça, donc moi, ça sent ça pour moi. Ah ouais? Oui. J'arrive pas à déterminer du tout, mais ça sent bon. J'aime ça. C'est plein de petites graines. Oui. C'est comme plein de petites graines. Et c'est comme jaune, verdâtre un Les peu. Les graines sont vertes, on dirait, dans des trucs genre gélatineux. Oui. C'est très gélatineux. C'est surprenant, on s'attend pas à un fruit comme ça. La chair est blanche à l'intérieur, alors que l'extérieur, on l'avait dit, c'était un genre de vert presque mauve. Oui, mais c'est ça, si tu regardes l'intérieur en fait, de la pelure qui est assez épaisse, c'est violacé. Oui. C'est beau. C'est très joli. Ben écoute, moi je serais prête à goûter. Ça me fait peur. Il va falloir qu'on se rentre la langue là-dedans, si on n'a pas de cuillère. Est-ce qu'on la mange comme une huître ou quoi? Ben ça, je pense... Ça ressemble à ça. On voit que t'as beaucoup d'expérience avec les huîtres. Oui, et ma langue. Et l'aspiration. Hein, quoi. Donc, on y va. Je suis prête. Je baisse la trame. Ça marche pas, pardon. Oh my God, c'est surette. Mmh. Oh, miam. C'est très, très surette, oui, mais... le goût, faut s'y faire, je pense, le goût, parce que... C'est peut-être pour ça qu'ils mettent pas ça tout seul. Faut le manger avec autre chose. Ça goûte pas du tout ce qu'on s'attendrait à ce que ça goûte dans un jus un mais peu... Mais c'est bon! C'est très, très bon. Mais écoute, c'est difficile à décrire. C'est croquant, hein? Oui, c'est très, très croquant. Ça fait un peu penser justement à la grenade. Mm-hmm. Mais c'est de la famille de la grenadine, de grenadier. Ça doit être dans la famille de la grenade aussi. Sûrement, si on est logique dans la tête. En tout cas, dans ma tête, à moi, ça semble logique. J'aime le croustillant. Le gélatineux vient bien se mélanger. On dirait qu'il y a comme, on dirait que les deux se font compétition un petit peu, le côté gélatineux puis le côté croquant. Oui, écoute, je sucerais le tour de la graine, puis après, j'avalerais tout. Comment tu fais, là? Mais non, mais moi, c'est ça que je ferais. Mmh. Essaye de sucer la graine. Puis... T'as un pétard, là. J'ai déjà avalé la graine. Tu as pris le pétard. À qui, ça? C'est vraiment particulier comme goût, mais j'aime le petit kick là, d'acidité ou de comment dire? C'est pas amer, c'est surette. C'est un petit peu surette, mais on s'habitue. Je pense que la première bouchée, elle m'a vraiment surprise. Ça m'a pogné dans mon choix. Ouais. Mais après, c'est juste bon. C'est très juteux. Même s'il y a beaucoup de graines, c'est très, très juteux. C'est vraiment bon. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un smoothie avec quelque chose comme l'intérieur de ça? Est-ce que tu pourrais mélanger ça pour faire quelque chose avec, tu penses? J'ai l'impression qu'avec les graines, ouais, ça va rester désagréable. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de graines de fou de la passion. Selon moi, je pense que t'es mieux de manger ça à cuillère devant la télé. Mm-hmm. Et c'est, si je me rappelle bien, c'était 1,69 pour le fruit. Par fruit, OK. C'est quand même un peu dispendu, mais pas si pire comparativement à d'autres fruits tropicaux qui sont pas encore très, très populaires sur le marché. Pas en demande tant que ça. Mais très intéressant. On l'a remarqué aussi, on a fait à peine une bouchée et demie, deux bouchées chaque par moitié. Donc, c'est quoi? En gros, peut-être 4 cuillerées, si on veut, de fruits. Donc, c'est vrai que c'est l'équivalent d'un mini-go. Oui, ben vraiment. Tout à fait. Et mélanger avec du yogourt, en effet, ça pourrait être très bon aussi pour avoir le petit croustillant dans le yogourt. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, c'est le fruit de la passion. Ça goûte pas, comme je disais, la même chose qu'une bouteille de jus au fruit de la passion, mais ça, c'est de l'imitation et je pense qu'ils ont peut-être ambitionné le goût un peu. Ben peut-être pas. Mais c'est mélangé avec d'autres choses. As-tu remarqué, il y a comme des mini pattes qui tiennent les graines? Oui. Pis c'est vraiment dégueulasse, on dirait des petites pattes de bibitte. on dirait un morceau de velcro. Pas. Ouais! Mais j'ai pas osé tirer dessus, je me demande si ça se mange. Les petites graines? Ouais. Les petites pattes? Je sais pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sa température, pour le manger, je le suggérais le plus froid possible. Là, il est un petit peu tiède. Ouais. Ça se mange bien, mais froid, je trouve que ça serait encore... Non, moi je préfère mes fruits quand ils sont tempérés. Okay. Je trouve que la saveur est plus pure, est mieux définie. Et ils conseillent même, principalement pour les fraises, de les laisser... à température pièce un peu, de les laisser tempérer avant de les manger, la saveur est beaucoup plus présente. Donc, je pense, moi, je serais plus du genre à manger tempéré parce que je fais pas mal ça avec tous mes fruits. Moi, on dirait que je mange tout très, très froid. Est-ce que je t'ai dit? Parce que oui, j'ai vu que t'avais toutes tes tablettes de chocolat qui sont dans ton frigo. Je trouve ça meilleur au frigo. Et est-ce que je l'ai dit à quelques personnes depuis quelques temps, donc j'ai l'impression de me répéter, tu me diras si je te l'ai déjà dit, mais les Pop-Tarts au congélateur? Oui, mais en fait, je t'ai vu les mettre dans le congélateur, c'était bon. C'est écœurant, ça fait la crème, elle devient comme plus mâchouillante. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. C'est ma découverte de l'année, je vous le suggère. Celle au double chocolat. De l'année, rien de moins. Ah, jusqu'à maintenant, double chocolat au congélateur. On sort et on mange directement, ça se déchire bien. C'est meilleur que température tablette et c'est meilleur que toast. Toasté. Vraiment. Ah, super, à essayer. Oui, tout à fait. Donc voilà pour cette première partie de notre bouffe de la semaine, n'est-ce pas? Oui. On revient avec une autre tantôt. Ben oui. On fait plusieurs autres. Thématique. Ouais. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Mange l'ours mange. C'est le palmarès francophone. Nuit blanche, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Évidemment, étant donné qu'on n'était pas en onde, ça a ben normal qu'on l'ait pas entendu. Hein? Donc, allez, voici tout de suite Mange l'ours mange. Assemblage requis. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Oui, c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde est fatigué. C'était très amusant et les gens, ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après, c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités? Tous les jours des fêtes. Oui c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Je dis vive la fête pour être héros.